Bonjour et bienvenue maintenant à la première émission que je fais avec Berthold, donc en ce début d'année 2022. Donc nous sommes présentement au mois de janvier. Donc ici David au micro et vous pouvez voir à l'écran Berthold. Donc Berthold, ça va bien? Oui. Excellent. Donc, écoute, c'est un plaisir de te retrouver parce que ponctuellement, au fil des ans, on a enregistré ensemble plusieurs capsules que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, Berthold, c'est un communicateur qui a également une chaîne YouTube. D'ailleurs, vous allez avoir les informations à son sujet en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, Berthold, c'est ce que j'ai constaté, c'est que dans les dernières semaines, tu as produit de nombreux enregistrements live auprès du public. Puis je pense que tu as quand même une bonne réponse. Il y a plusieurs personnes là, qui font des commentaires, qui te posent des questions. Oui, ça fonctionne plus que d'autres formes, là. Ça fonctionne bien. Mais ça aussi, c'est plaisant parce que c'est comme discuter. J'aime autant être comme ça, de pouvoir discuter avec des gens que de parler tout seul, dans le fond. Oui, c'est sûr que c'est interactif. Par contre, moi, en tant que tel, j'aime les deux formules, dans le sens qu'il y a quelques années, tu faisais, par exemple, un enregistrement où tu abordais un sujet en détail. Mais j'aime aussi la dimension live parce que ça met de la vie, là. On te sent interagir avec des gens, puis ça permet d'explorer différents sujets. Donc, on ne sait pas trop ce que les gens t'amènent, puis des fois, ils posent des questions, puis je ne m'attends pas du tout à ça. Donc, des fois, c'est un petit peu surprenant. Oui, ben c'est ça que je trouve intéressant parce que, justement, je ne sais pas de quoi je vais parler quand je fais un live. Puis c'est les gens, dans le fond, qui m'amènent à parler de certaines choses. Puis des fois, même, ça peut être un peu comique, là, parce que des fois, bon, ben, disons que j'ai un mauvais caractère un peu. Des fois, je peux me choquer assez vite. Puis j'ai personne là, qui fait... J'ai personne pour faire de la modération. Nous nous affolons pas, parce que des fois, je vais écouter tes enregistrements, puis à quelque part, le monde le cherche aussi, là, tu sais, par leurs commentaires ou leurs questions, fait que... Ah oui, puis c'est pas long, moi, d'habitude, là. Exactement. Donc, c'est sûr que pour les gens qui s'intéressent, donc, c'est souvent des questions en lien avec la conscience, le supramental, mais aussi l'actualité, les événements auxquels on est confronté, entre autres, avec la crise sanitaire. Dont il est question là, dans les derniers lives là, de ce que je voyais. Oui, bien, justement, des fois, ça va aller sur des choses que j'ai déjà abordées, ou bien des fois, on va me poser des questions qu'on m'a souvent posées, mais d'autres fois, là, c'est plus intéressant. Mais ça fait je ne sais pas combien de fois là, qu'on me demande si je peux voir les auras, des choses comme ça. Je trouve ça un peu moins intéressant. Mais il y a des gens aussi qui ne me connaissaient pas là, d'autres vidéos que j'avais fait avant. Donc, ils vont me poser des fois des questions sans se rendre compte que c'est un peu hors contexte, mais bon, j'essaie d'être indulgent, là. Advenant qu'ils ne te fassent pas fâcher. Moi, ben, des fois, il y en a qui font exprès, là. C'est ajusté que je me choque. Puis dans ce temps-là, d'habitude, c'est pas long, là. Ça dure pas longtemps. Oui, parce qu'il y a des fois des gens qui méritent d'être remis à leur place. Donc, pour ce qui est de l'enregistrement d'aujourd'hui, dans un premier temps... on parle ensemble, moi puis Berthold, je vais l'amener, on change d'année, on rentre en 2022, et par la suite de commenter la crise sanitaire, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont eu cours, là, notamment là, au Québec, avec plein de mesures qui ont entré en place, en quelques jours d'intervalle, couvre-feu, ensuite l'impôt pour les non-injectés. Ensuite, aux frontières du Canada, on demande aux camionneurs d'être adéquatement injectés pour rentrer au pays. Il y a plein de choses, là. On pourrait faire une émission facilement de 2 heures juste là-dessus. Mais pour ce qui est de la partie en lien avec la crise sanitaire, ce qui va arriver probablement, c'est que vous allez pouvoir la retrouver sur Odyssey, qui est une chaîne que j'ai sur une plateforme qui permet de s'exprimer librement. Donc, nous sommes présentement à une époque où une censure grandissante s'exerce sur les réseaux sociaux. Et pour cette raison, Odyssey est l'une des plateformes où il y a beaucoup de lanceurs d'alerte présentement qui parlent librement. Et probablement qu'une partie importante là, de l'enregistrement d'aujourd'hui, vous allez pouvoir la retrouver là. Donc, dans cette optique-là, bien, je mettrai le lien en bas de l'enregistrement naturellement. Donc, si vous voyez à un moment donné que ça coupe, bien, la suite, ça sera sur Audacy parce que tout l'enregistrement sera enregistré. Et aussi, ce que je veux mentionner aux gens qui apprécient les enregistrements que je fais au fil du temps, eh bien, vous êtes bienvenus pour faire une contribution financière en support à mes activités de diffusion web, donc via les services de paiement sécurisés que sont Interact et également PayPal, dont vous allez retrouver les coordonnées en bas de l'enregistrement. Pourquoi une contribution financière? C'est tout simplement parce que je ne suis pas financé par le gouvernement, à la différence des médias de masse pour faire ces activités de diffusion. Donc, je ne reçois pas des millions de dollars pour faire la promotion des mesures sanitaires. Par contre, en contrepartie, bien, j'ai une indépendance d'esprit que les journalistes dans les grands médias n'ont pas pour critiquer, questionner le gouvernement, apporter d'autres points de vue. Donc, présentement, comme vous le voyez, que ce soit au Québec, en France ou dans différents pays, la plupart des journalistes marchent main dans la main avec le narratif officiel. Et pour être libre de tout ça, ben, il faut avoir une certaine indépendance. Et c'est entre autres la raison pour laquelle moi, je ne reçois pas de financement du gouvernement pour faire mes activités. Et Bertolt non plus. Et donc, on va commencer à proprement dit. C'est sûr que la petite mise en contexte en lien avec la censure grandissante que je voulais faire également, c'est qu'aujourd'hui, il y a des mots qu'on ne peut plus ou difficilement employer, comme à l'automne 2020. 21, pardon, le mot qui commence par N pour désigner certains individus de couleur au Québec, là, c'est plus possible dans les universités, puis on ne peut plus utiliser ce mot-là, même dans un contexte historique. Et là, un peu dans ce tabou-là social, bien, le mot qui commence par V sur certaines plateformes de diffusion web, donc V par rapport à un élément lié avec la crise actuelle que je vous laisse désigner, là, moi, j'évite d'utiliser ça, puis c'est voulu parce qu'il y a une censure qui est faite, puis bon, il existe la reconnaissance vocale aussi par rapport à certains termes clés qui peuvent être employés. Donc, tout d'abord, bon, comme on est au début de l'année, au moment où on enregistre la capsule, on est en janvier 2022. Donc, quelle est ta vision de l'année 2022? Ah, ben là, je pense qu'ils vont y aller, c'est une question de dosage tout le temps. Donc, possiblement, il va y avoir un petit peu plus de censure, possiblement, parce qu'il y a certaines choses que ça a bien passé, ça, il semblerait que ça ait été accepté, mais ça va possiblement être plus dosé, là, comme on a vu, là, comme Julie Snyder, là, qui s'est excusée là, à demi-mot, pas à moitié. Mais juste pour remettre en contexte les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a des gens en France, en Belgique, qui sont peut-être pas au courant du scandale qui a eu cours avec l'animatrice québécoise Julie Snyder, ici au Québec, qui a interviewé des enfants. Donc, pour ramener brièvement les faits, c'est qu'elle demande en entrevue à deux jeunes enfants, « Êtes-vous injecté? » Puis ils disent « Oui, êtes-vous pour l'injection? Oui. » Puis là, elle demande à un enfant « Qu'est-ce que tu ferais avec les non-injectés? » Bon, ben il faudrait qu'ils soient arrêtés par la police. Ben là, t'appelles la police. Puis là, après ça, il y a une autre petite fille qui dit « Ben, on fait comme le gouvernement fait, là. On les asticote jusqu'à ce qu'ils changent d'idée. » Exactement, on les réduit leur liberté, ouais. C'est parce qu'il y a une instrumentalisation d'enfants là-dedans qui est proprement scandaleux. C'est scandaleux, c'est censé être scandaleux dans une société saine. C'est censé être scandaleux. Mais l'affaire, c'est que c'est excusé d'avoir posé une question à des enfants sur l'inoculation, alors qu'au fond, les gens étaient outrés parce qu'elle avait orienté un propos par rapport aux gens qui sont non-inoculés. Ce qui est complètement différent, c'est pas la même chose, donc elle s'est pas vraiment excusée. Mais il reste que je pense que ça va être plus subtil pour 2022, dans le sens que, et après avoir été un petit peu violent, si on peut dire, d'y être allé fort, là, ils vont pouvoir être plus dosés, plus fine mouche un peu. Parce que là, on le voit, c'est plus habile. C'est plus habile parce qu'en s'excusant à moitié, ben, c'est comme reculer un petit peu pour plus tard réavancer encore. Exactement. Puis ce qu'on voit derrière les enfants, ben c'est un petit peu comme dans l'Allemagne nazie, la jeunesse hitlérienne. Donc là, on a la jeunesse le gaussienne avec la promotion des mesures sanitaires, puis que les enfants veulent ces mesures-là de contrôle. Ben oui, ben c'est normal, c'est on a voulu se débarrasser de l'Église dans le temps de Jean le Sage, la Révolution tranquille, puis maintenant c'est l'État qui fait l'éducation, donc il faut pas se surprendre que l'éducation soit en quelque sorte du conditionnement par l'État. Exactement. Puis là, on le voit au niveau télévisuel, de formater les enfants en bas âge en disant oui, on veut l'injection, puis ceux qui ne sont pas injectés, c'est comme ils ne sont pas corrects. Dans l'Allemagne nazie, ils n'envoyaient pas la police, c'était la Gestapo pour les arrêter, puis les envoyer dans des camps de détention, ceux Ben, qui ne se c'était soumettaient pas au la régime. police. Ben, c'était la police quand même. C'était la police secrète. Mais Oui. c'était la police. Je veux dire, Himmler était chef de la police. Je parle au niveau là, national. Là. Quand on regarde ce qui était ses titres à lui, là, avant d'être à la tête des SS, c'était d'abord le chef de la police. Puis c'est surprenant de la part de quelqu'un qui n'avait pas la formation pour être policier, là. À la base, c'est un éleveur de poulet. Homéopathe. Mais il reste que, encore une fois, on voit les mêmes phénomènes, c'est-à-dire que le ministre de la Santé n'est pas un médecin. Puis c'est tout le temps comme ça. On a affaire à en tout cas, Exactement, c'est puis comment je vois ça, là, dans le oui, mais fond. c'est ça, exactement. Tu sais, il y a des similitudes en lien avec ça. Pour l'année 2022, si on la prend au niveau du bureaugique, on la divise. En fait, il y a 2, 2, 2. Il y a trois fois le chiffre 2. Lorsqu'on les additionne, ça fait le chiffre 6. Et en numérologie, 6, ben c'est un chiffre de descente. Hein. On part du haut vers le bas, ce qui fait une courbe. Donc, est-ce que toi, tu penses que cette année, c'est ce qui est un chiffre duel, on va s'enliser, puis on va descendre de plus en plus dans la polarisation entre les injectés et non injectés, puis la population sous tension? Ben, je pense que ça va être un petit peu plus, ça va continuer, mais d'une façon un petit peu plus subtile que ce qu'on a. Je pense que ça va y aller un peu moins fort un temps. Mais que c'est difficile de prévoir, puis pour bien franchement, je ne le sais pas, là, la tournure que ça va prendre. C'est juste au niveau des intuitions, puis on peut voir aussi par rapport à de la déduction vers où ça s'en va. Mais ben franchement, c'est clair qu'ils vont affiner la technique. Ça, c'est clair, parce que là, il y a eu 2 ans là, de grosses pratiques expérimentales. Donc là, on va pouvoir ajuster un peu, mais ça ne veut pas dire que ça va être moins violent. Ça va être plus subtil, peut-être, plus dosé, peut-être. Mais ça va continuer d'avancer là où ça allait, là. Exactement. Pendant qu'on parle, il y a comme un petit bruit de fond. Je ne sais pas de Ah, ton ça se côté peut. si tu as bougé ton micro ou quelque chose. Non. OK. Bon, c'est pas si pire. Mais en effet, probablement que les 2 dernières années, ça a été du rodage, un peu de l'essai-erreur. Puis là, la mécanique se met en place. Et par rapport à l'année 2022, est-ce que tu avais des résolutions particulières? Non, je prends jamais de résolution. Quand on prend des résolutions, on active inconsciemment des mécanismes qui vont vouloir se défendre contre ça. Donc, c'est difficile de tenir des résolutions. Il y a tout le temps, ça dépend, là. Mais je veux dire, quand on a intégré certaines lois, là, par rapport à certaines choses inconscientes, on n'a pas à prendre des résolutions. Bon, en tout cas, moi, je le fais pas, là, parce que la plupart des gens qui prennent des résolutions, ils les tiennent pas. Pour des raisons psychologiques, c'est lié à des lois psychologiques. Quand je veux faire quelque chose, je le fais. Mais prendre une résolution, ça, c'est ajouter des formes. C'est comme pour pallier au fait qu'on manque de volonté, là. Oui, dans le sens que c'est une forme de compensation psychologique à ce moment-là. C'est ça, c'est des attitudes psychologiques. Donc, non, j'ai pas pris de résolution. OK. Sinon, est-ce que tu as des projets particuliers? Oui, mais c'est drôle, les projets que j'ai, souvent, si je les ai à long terme, je les réalise pas, puis c'est des choses que j'ai sur des coups de tête à court terme que je finis par faire. Donc, est-ce que j'ai des projets? À un moment donné, je voulais ouvrir un petit centre de distribution, tant qu'à avoir un petit entrepôt, pour certains produits qui venaient de Malaisie, puis que je vois que c'est surtout par la Suède que c'est distribué en Occident. Puis je me suis dit, ah, je pourrais être distributeur en Amérique du Nord. Puis là, je m'étais dit, bon, ben, je vais faire des démarches en ce sens-là. Puis finalement, j'ai perdu la vibration de faire ça, puis je me suis désintéressé. Donc, non, c'est vraiment, j'ai beaucoup de difficultés à. Je suis pas du genre à faire des projets puis à m'y tenir mordicus. Les choses que j'ai faites, c'est souvent des choses que j'ai faites à court terme, là, sur des coups de tête. OK, Donc, je veux pas de projet. j'apprécie la franchise avec laquelle tu réponds à mes questions. Et sinon, étant donné que là, on est au début 2022, en fait, dans près d'un an, on va être rendu en 2023. Et il y a eu des prophéties qui ont été faites au fil du temps. Le passage à l'an 2000, il y en a qui annonçaient certaines choses. Ensuite, 2012 avec le calendrier Maya. Et là, pour l'année 2023, plus précisément février, Richard Glenn annonce un rendez-vous. Donc, un rendez-vous particulier qui se tiendrait pour la fin du mois de février 2023, donc dans environ un an. Et par rapport à cette annonce particulière qui est faite chez lui depuis près de 40 ans, là, au début des années 80, il y a même une émission. Une entrevue qu'il avait faite avec Bernard de Montréal où il y avait une mise en scène puis il faisait allusion à ça. Donc, ça fait longtemps qu'il parle de ça. Et je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oh, rien. C'est clair que, admettons, là, qu'il se met à avoir on pourrait dire, là, des manifestations ufologiques, là, dans le ciel. Là, je vais dire, bon, ben, ça veut dire que Glenn, quelque part, sans le savoir ou en le sachant, il travaillait pour certains projets. Mais habituellement, les cultes soucoupistes, leur prophétie, là, ça. Si on regarde l'Académie Unarius, là, qui avait fait des prédictions, les frères de l'espace, ils devaient arriver là, à bord de, je pense, ces 33 soucoupes volantes là, qui allaient se poser les unes sur les autres. Puis, finalement, c'est pas arrivé. Puis Ruth Norman est morte, pas en disgrâce, là, mais elle est morte sans voir sa prophétie se réaliser. Elle était sincère, là, cette dame-là. Puis si on regarde aussi, Evans Gates, là, Dwight Applewhite, lui, finalement, ça n'arrivait pas. Les frères de l'espace venaient pas. Donc, ça a fini en suicide collectif parce que lui, il avait un cancer. Puis, il a amené sa gang avec lui, comme beaucoup de gens astralisés, certains gourous très astralisés font souvent. Quand c'est le temps de leur mort, ils sont pas capables de laisser dans le plan matériel ce qu'ils contrôlent, c'est-à-dire les adeptes. Et les amène avec eux. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est premièrement, si ça arrive pas, qu'est-ce qu'il va faire, M. Glenn? Dans le sens que c'est inquiétant pour lui, là. C'est inquiétant pour lui, dans le Oui, sens que ben quoi qu'il est rendu à plus de 70 ans, donc c'est dépassé ça. l'âge de la retraite, fait que Ben oui, mais là, c'est parce que ça va donner un coup. C'est comme un monsieur qui perd sa conjointe. Souvent, il suit pas longtemps après. Donc, ça, peut-être que ça va donner le coup de grâce s'il se passe rien. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va arriver quelque chose. Sans vouloir le créditer, là. Mais il n'y a pas juste lui qui a. En tout cas, Oui, ben il apparemment, semblerait que. Daniel Kemp aussi aurait parlé de la date de 2023 dans ses enregistrements, donc de ce communicateur dans le domaine supramental. Et sinon, il y a un enregistrement qui existe de la série de Richard Glenn avec Bernard de Montréal où il est question de l'avenir. Et là, c'est une mise en scène qui amène Bernard à parler d'après 2023, là, la période fatidique passée. Puis là, on est dans une autre société avec d'autres paramètres. Comme si notre civilisation aurait fait une espèce de contact officiel avec les extraterrestres, de ce que je comprenais, là. Oh, je sais pas pourquoi j'ai un dédain automatique par rapport à ces affaires-là. J'ai ben ben de la misère avec ça. J'y crois, tu sais, je peux considérer, oui, il va arriver quelque chose qui va arriver pour des buts d'impression, c'est-à-dire impressionner les gens. Mais de là à voir ça pour ce qu'on nous dit que c'est, j'ai beaucoup de réticence. Ben, J'y crois pas. moi aussi, dans le sens que je crois pas dans le sens d'adhérer naïvement. Je prends en considération qu'est-ce qu'il dit. Puis j'observerai bien 2023 rendu, qu'est-ce qui va arriver. Mais pour moi, c'est une chose qui est inévitable qu'à un moment donné, il y aura un contact entre des êtres humains et puis des extraterrestres. Donc, un rendez-vous, une rencontre officielle qui va se faire. Donc, c'est. Ben là, on a possiblement affaire à quelque chose qui est en contact avec l'humanité depuis longtemps. Donc, c'est juste un peu comme si on était séquestré, mais on voyait pas notre geôlier. Puis là, notre geôlier, là, il nous a conditionnés pendant longtemps. Puis là, tout d'un coup, il va oser se montrer la face qui s'est donnée. J'ai bien de la misère avec ça. J'ai bien de la misère avec ça parce que l'être humain n'est pas respecté. Il n'est pas respecté, puis je veux dire, les gens qui supposément collaboreraient avec ces forces-là au niveau de la gestion des masses ne respectent pas les gens. Et c'est la Donc, raison, entre autres, laquelle j'ai l'impression qu'il parle d'un rendez-vous dans deux sens. Dans le sens que rendez-vous dans le sens de rencontre, un peu comme rencontre du troisième type où il y a des contacts avec des gens en personne, mais aussi rendez-vous dans le sens de se rendre que les dirigeants actuels devraient se rendre, surrender en anglais. ouais, mais oui, mais là, pourquoi ils se rendraient? Je veux dire, Bien, il y c'est aurait les une boss, dans le transition du fond. pouvoir, dans le sens que ces extraterrestres se pointent sur la face publique. Ceux qui font partie de ce qu'on appelle l'état profond, là, qui tirent les ficelles dans l'ombre, les lobbies pharmaceutiques et autres, ben ces gens-là vont perdre la crédibilité. Puis en tout cas, il y aurait comme une transition, là. Mais en tout cas, ça reste à voir, hein? Moi, pour moi, là, il faut que le transfert de la gestion se fasse des masses à la masse. Dans le sens, mais il va tout le temps avoir des gens, notamment comme ceux qui, justement, ont le contrôle de notre système d'éducation afin de créer des gens ignorants, qui vont toujours se mettre comme intermédiaires pour dire, ben, les masses sont irresponsables, elles ne sont pas capables de se gouverner elles-mêmes. Mais oui, mais c'est les mêmes qui nous font des hôpitaux qui nous rendent malades, puis des systèmes éducatifs qui gardent ignorants. Puis c'est les mêmes, les petits-enfants sont là, on devrait appeler la police, puis blablabla. Ben oui, ils sont mis dans un système d'éducation où ils ne sont plus capables, ils n'ont pas le niveau de littératie de s'informer par eux-mêmes. Donc, ils deviennent le modèle de l'être humain parfait pour eux, c'est-à-dire une ressource humaine, c'est-à-dire des esclaves. Puis j'ai bien de la misère avec ça. Là, les chaînes, s'il faut que la clé des menottes soit transférée, là, des bons riens puis des mafieux à des frères de l'espace. Moi, c'est bonne valeur, mais je les haïs encore plus. J'accepterai pas ça. Moi, faut que tu me donnes ma clé de mes menottes. C'est la seule chose que je vais accepter. J'accepterai pas que le transfert se fasse par en haut. Non, exactement. Puis encore mieux, c'est-à-dire qu'avec la volonté, on force, on arrache la clé des menottes à nos geôliers occultes. Ben, de toute façon, les affaires d'extraterrestres puis tout ça, moi, mes yeux, c'est de la mascarade. Ça fait longtemps que ça dure. Là, c'était des dieux. Après ça, c'était des entités de la nature. Après ça, là, c'est rendu des extraterrestres. Mais oui, mais ça a toujours été sur Terre avec nous. Extraterrestres, c'est quoi cette idée-là, là? Je crois pas ça qu'ils viennent d'ailleurs. On est un peu comme dans un vivarium. Je veux dire, c'est leur planète, là. Ben exactement, c'est probablement eux qui ont ensemé la vie puis qui ont apporté les modifications génétiques qui ont permis d'apparaître à l'homme actuel d'apparaître sur Terre. Même là, je suis sceptique. OK. Même là, je suis sceptique parce qu'il y a quelque chose d'autre, puis on dirait que ça s'est arrogé une autorité. Tu sais, à un moment donné, on parlait d'une gardienne, là. Ouais, une gardienne d'enfants. Bon, ben, c'est pas parce qu'ils vivent ici avec nous que c'est. Tu sais, je veux dire, j'ai bien de la difficulté avec ça. Bon, mes voisins font un peu de bruit. Ben, c'est en tout cas, Non, non, mais c'est bien là, je correct. trouve ça dangereux. Oui, exact. Moi, c'est sûr que je ne crois pas naïvement à ça. C'est juste que je voulais avoir comme ta perspective là, par rapport à ça. Parce que là, c'est sûr que les gens n'ont plus d'espoir pour l'an 2000 ni 2012. Mais là, ah, on est proche de 2023. Il y a des gens qui ont annoncé des choses. Fait qu'un peu comme quand on était en 2011, puis là, les gens parlaient de 2012, là. Ben oui, puis à chaque fois, moi, j'y crois pas. Puis, je veux dire, à chaque fois, là, 2001, 2012, 2023, je dis pas qu'il se passera rien. On nous prépare quelque chose. Ben, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la tension monte, là, dans le sens que les mesures sont de plus en plus autoritaires en lien avec la crise associée au virus, puis des mesures de contrôle social s'instaurent rapidement. Là, t'sais, en quelques semaines, il y a eu un couvre-feu, il y a eu l'alerte rouge là, juste avant le jour de l'an pour empêcher les rassemblements. Ensuite, les camionneurs ne peuvent plus passer la frontière s'ils ne sont pas adéquatement injectés. Ouais. Avoir puis, t'as-tu gardé... Oui, je sais que je t'écoute. tu avais fait des réserves au cas où qu'il y a une pénurie, mais Oui, là, t'es regardé. bien sûr. Bon, ça, c'est bien. Parce que l'affaire, là, les transports, qui justement, là, que... Mais ils n'ont pas eu leur leçon de ce qui est arrivé en Australie, puis nos gouvernements font semblant qu'ils sont pas au courant de la pénurie qu'il y a eu en Australie. Puis là, on dirait qu'ils font exprès pour qu'il se passe la même chose. Donc, c'est pas fortuit tout ça. Puis je commence à être fatigué de... Je le vois, le conditionnement au niveau de... que les masses sont conditionnées à penser que c'est pas voulu, ça. Comme les discours de ceux qui tripent les collapsologues, là, je le reconnais tout de suite dans leur discours, ils vont parler d'effondrement. Mais ben oui, mais ça vient pas d'eux, ça, c'est quelque chose qui a été... Mais c'est comme, là, dernièrement, j'attendais un paquet, puis là, il arrivait pas, puis là, j'allais voir sur le site de distribution, puis ça disait « retardé dû à des catastrophes naturelles ». Puis ça me disait que c'était pas vrai, parce que je regardais d'où il venait le trajet, puis il y avait pas de catastrophe, là. Donc, je me suis informé, puis j'ai appelé directement à la compagnie. J'ai dit là, je veux savoir il est où le paquet, puis je veux savoir ce qui se passe. Puis ils me l'ont dit, on dit là, il y a des retards parce qu'on manque de personnel, il y a une pénurie de personnel. Donc, c'est une façon de J'ai dit, camoufler la chose, l'histoire des catastrophes ben naturelles. oui, l'excuse, c'est les catastrophes naturelles. Comme là, dernièrement, j'avais un correspondant qui. J'ai dit, le fait qu'on est dans une civilisation désuète, puis là, je parle toujours au niveau de la pensée. Puis je dis, je m'en formalise pas. Mais par contre, le fait que je tienne aussi un discours, que je suis en colère de voir que justement, il y a un conditionnement de pensée que c'est pas programmé puis voulu par des gens, une caste de gens qui programment ces effondrements-là, ça me met en colère. Puis la personne, elle voyait ça comme de la contradiction. Mais il n'y a pas de contradiction dans ce que je dis. La contradiction est dans la perception de l'interprétation de ce que je dis. Mais il reste que les gens sont tous mêlés. Ils n'ont pas de vision claire de ce qui se passe. Donc, ils ne se rendent pas compte que tout ça, c'est voulu. S'il y a une pénurie au Québec ou ailleurs dans le monde par rapport aux vivres, par rapport à certains matériaux de base, ça va être parce qu'elle a été voulue par Non, des gens. exactement. Et moi, j'avais bien aimé un enregistrement récent qu'a fait Dan Pilon là, sur sa chaîne Facebook. Il interviewait un camionneur. Et puis, ce qui était question, c'est que là, s'il y a une pénurie dans les prochains jours, il y a l'approvisionnement de marchandises des États-Unis vers le Canada en camion, à cause que depuis le 15 janvier, bon, ben, ils doivent être injectés adéquatement, les camionneurs. Ce qui risque d'arriver, c'est que dans les médias, on va blâmer les non-injectés camionneurs. Donc, c'est la faute des Ben oui. non-injectés si on manque de nourriture. Puis là, ça va être une C'est façon ça. encore de Ben les. c'est le bouc émissaire. C'est toute la colère, puis dans le fond, j'irais même jusqu'à dire une certaine haine justifiée. Elle est totalement détournée de ceux vers qui ça devrait aller. Pourquoi? Parce que justement, il y a un conditionnement des masses à diriger cette haine-là vers une autre partie de la population. C'est le jeu du damier, c'est-à-dire qu'on va créer de la polarisation au niveau de l'horizontale pour pas voir que ça vient d'en haut, la triangulation. Donc, l'affaire que c'est la faute des non-injectés, non, non, là. Là, si on est obligé, supposément, parce que ça sert d'excuse d'avoir toutes sortes de mesures de fou au Québec, c'est parce que notre système de santé, il est pourri. Pourquoi est-ce qu'il est pourri? Parce que ça a été voulu par du monde qui sont des lobbyistes, qui travaillent pour des intérêts privés. Puis, tous les systèmes publics, que ce soit le système éducatif, le système de santé, c'est tous des paliers qui servent à prendre de l'argent du public puis à le mettre dans des poches d'amis, des amis du privé qui font partie d'une certaine caste. Puis, Toutes les personnes en poste au gouvernement, c'est tant qu'à moi, c'est toutes des lobbyistes. C'est toutes des lobbyistes. Comme là, dans le Journal de Montréal, il y avait un article dernièrement qui disait les addictions, que c'est d'une maladie du cerveau. Pourquoi? Parce qu'il est gratis, le Journal de Montréal. Donc, le produit qui est à vendre, c'est le lecteur. Puis, il y a du monde, des intérêts privés qui ont intérêt à vendre des molécules. Donc, on nous écrit des articles pour nous expliquer que les addictions, c'est des maladies du cerveau, pour nous vendre tout le temps des nouvelles molécules puis des nouvelles molécules. Alors que quelqu'un qui comprend les mécaniques de l'âme puis comment ça fonctionne, puis la psychologie réelle, comment ça fonctionne, il sait que c'est pas des maladies du cerveau. Que c'est lié justement à des conditionnements, il y a des raisons environnementales, puis ainsi de suite. Puis c'est pas avec des molécules qu'on règle une addiction, c'est comme rajouter des addictions pour compenser d'autres addictions, puis ça finit plus, puis ça finira jamais. Mais oui, mais c'est ça qui est payant. Tout ce qui tourne en rond, puis tout ce qui est des systèmes fermés comme ça qui drainent l'énergie du monde au fond. C'est tout le temps de détourner l'énergie du monde. Puis ça a tout le temps été de même. Je veux dire, ça a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps Oui, été par comme contre, ce ça. qui change aujourd'hui, c'est les outils technologiques qu'ils ont pour ça. Tu sais, aujourd'hui, la technologie permet de mettre en place un passeport numérique pour l'entrée dans les différents commerces. Bon, ben, dans l'Allemagne nazie, il n'y avait pas ça. C'était des papiers qui présentaient. C'était pas un code QR. Oui, mais il y avait comme eux, ils ont fait ça aussi, c'est de considérer que tous les problèmes de la société étaient dus à des boucs émissaires, c'est-à-dire une portion de la population, justement, qu'on voulait ostraciser puis persécuter, puis transférer tous les maux du monde sur eux. Alors qu'au fond, il y a beaucoup de choses au niveau de l'État, par exemple, si on regarde ce qui a été fait par rapport à la République de Weimar, puis tout ça, que c'était les gouvernants. Je veux dire, c'est eux qui. Ça venait je veux dire, l'effondrement qu'il y a eu après la Première Guerre mondiale, il était dû à une certaine élite. Je veux dire, c'était de leur faute à eux. Mais Guillaume II, puis von Bismarck, puis tout ce beau monde-là, puis Hindenburg, puis tout ça, c'était considéré encore comme des héros, puis des gens merveilleux. Puis les gens continuaient à considérer qu'on était encore impressionnés par toutes ces structures-là. Mais il reste que c'est eux qui ont financé puis qui ont laissé faire ce qui est venu après, entre autres, parce qu'il y a eu pas juste eux, mais je veux dire, c'est peut-être pas de la faute de ceux qu'on a. Mais là, c'est comme les non-injectés, là, les gens qui sont pas adéquatement inoculés. C'est pas de leur faute, toutes ces astuces de mesures-là, parce que le système de santé est sur le bord de s'effondrer. Ils ont tout fait pour qu'il soit tout le temps sur le bord de s'effondrer. Je veux dire, François Legault, il était ministre de la Santé sous Lucien Bouchard, puis après, il y a eu Jean Charest. La première fois qu'il s'est fait élire, je m'en souviens, il a fait campagne en disant « Notre priorité, c'est la santé. » Puis, blablabla, ils n'ont jamais rien fait. Legault, là, il met 13 millions par mois à graisser la patte à des journalistes, puis ils ne mettent pas ça en santé. Je veux dire... Exactement. Puis présentement, on est le peuple. Par contre, il a mis beaucoup d'énergie pour qu'on soit le peuple, l'un des peuples les plus injectés dans le monde. On parle de 90% de la Ah, population c'est une 18 ans vraie et honte. plus. On est les plus injectés dans le monde, puis on a les mesures les plus autoritaires, puis les plus strictes pour... On est vraiment des imbéciles. Je veux dire, c'est incroyable comment les Canadiens français, on peut voir le résultat après des décennies de colonialisme, dans le sens que on est un peuple de vaincus, puis on a les structures d'une colonie de vaincus, puis le fait qu'on est sous-éduqué, qu'on a été conditionné à s'enfermer dans un notre bulle. On fait rire de nous partout dans le monde. C'est pas une farce, là. François Legault, il a même fait parler de lui, là, jusqu'en Asie. On fait rire de nous partout dans le monde. C'est une vraie honte. La France est une honte. Le Québec est une honte. Puis tout l'Empire, les colonies de l'Empire britannique, de toute façon, c'est l'horreur totale. Donc, Et puis c'est. l'Australie, donc Ah d'autres oui, pays la comme ça. Nouvelle-Zélande. La première ministre de la Nouvelle-Zélande, là. Je veux dire, il n'y en a pas du beau monde, il n'y a pas de beau monde nulle part. C'est tout comment ça se fait qu'ils sont toutes laides de même. Ça, j'ai bien de la misère à comprendre. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Quand ils paraissent bien, ils sont comme vides, c'est des imbéciles, des nounuches, un peu comme Justin Trudeau. Je veux dire, on est vraiment rendu à un point de médiocrité où ce que. On le voit, là, on est censé le voir en tout cas. Puis même là, autour de moi, ça fonctionne dans le sens que j'en vois des gens qui sont complètement endormis, puis c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents. Non, non, il y a des gens qui ont des quotients intellectuels élevés, des connaissances intellectuelles. Tu as des universitaires qui vont se prononcer dans Le Devoir, dans différents médias. Mais la manipulation qu'on voit ou qu'on décrit à travers les vidéos là, de lanceurs d'alerte, c'est comme s'ils ne le voient pas. T'sais, c'est devant eux. On est l'endroit le plus injecté dans le monde, puis ça diminue pas le nombre de cas, mais on est obligé de mettre le couvre-feu il y a quelques semaines. Fait que, comme le Doc Mio dit souvent, allô? Est-ce que ça fonctionne, les Ouais. mesures? Il n'y a pas personne qui pose, on dirait, ou peu, qui pose la question de la viabilité Ben des. lui, il y a certaines affaires qui fait semblant de pas comprendre, là. En tout Non, ben, il n'est cas, pas Doc parfait, Mayo, le ouais, Doc mais Mayo, lui, il là. joue C'est sûr double jeu un que. petit peu, lui-là, là. Il est plus intelligent que ça encore. Parce que là, quand il essaie de nous faire croire, oui, il y a vraiment une démocratie au Québec, puis là, oui, là, Legault, il est dans l'eau chaude, là, puis là, ça commence à chuter. Regarde, là, tout est décidé d'avance par du monde que lui, il parle jamais. Puis là, il prépare le terrain pour Dominique Anglade, parce que c'est elle qui a été choisie. Elle va être elle après notre première ministre. C'est la même chose que je pense que toi, en passant. J'ai fait un enregistrement il y a quelques jours là, en lien avec mes prédictions de 2022 que je dis aux gens de pas croire. Là, prenez ça avec un grain de sel, mais moi, j'ai toujours l'impression que c'est elle qui va rentrer pour l'automne 2022 en octobre. Puis Éric Duhaime, c'est juste un interlude, là. Tu sais, il surfe sur la crise, puis Ben là, oui, sur la lui, il est là cinquième pour faire vague. accroire qu'il y a de l'opposition. Puis qu'on est dans une démocratie, c'est tout le temps ça le but, c'est le théâtre de nous faire croire qu'on est dans une démocratie. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas normal qu'un avocat peut être ministre de la Justice, exemple. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, je veux dire, on n'est pas dans une démocratie, on est dans un système colonial de parlementarisme britannique. Puis là-dedans, comme on est dans un système colonial, c'est lié au commerce beaucoup, puis c'est des intérêts, puis il y a beaucoup de là, c'est pour ça qu'on a des lobbyistes là, un peu partout qui sont pas obligés de se déclarer comme tels, mais ils sont clairement là pour travailler pour des intérêts. Donc non, on n'est pas dans une démocratie, il n'y en a jamais eu. Ici, là, je veux dire, au Canada, là, il n'y a jamais eu de démocratie. Ça n'a jamais été une démocratie. Ça n'a rien à voir avec une démocratie. Puis, tout est pour maintenir la ressource humaine, c'est-à-dire le bétail, qui est une des ressources de la colonie. Les tenir tranquilles, c'est un peu l'anneau comme pour traîner les taureaux. Là. Tu tires là-dessus, puis le taureau suit. Ben là, on a le passeport pour C'est faire la ça, là. démocratie. C'est ça, Ouais. là. J'allais dire, on a le passeport, là, injectable, là, Ben c'est-à-dire oui, que. mais. Pour ça, il faut conditionner le monde à penser qu'il y a une majorité qui a voulu ça. C'est comme ceux qui ont travaillé dans le marketing, ils vont souvent dire, le client, il ne sait pas qu'il veut ce que je vais lui vendre, mais moi, je vais le conditionner à penser qu'il le veut, puis qu'il en a besoin. C'est ça le marketing. C'est la même chose là, ici, là. Oui, Donc, ben tout. c'est des inductions, des fois des inductions paradoxales, comme on l'a vu dans les dernières semaines, où, ben, si je pense à Emmanuel Macron, il dit, oh, il n'ira pas avec ça, là, le passeport, là, injectal, là. Mais là, il met l'idée en tête, là. Tu sais, c'est un petit peu C'est comme tu ça. dis, faut pas que tu penses à un éléphant rose, on ira, mais ça t'amène à penser à l'éléphant rose. Puis là, il y a comme une progression qui se fait avec des espèces de dire, ah non, non, telle mesure, le port du masque obligatoire, on n'ira pas l'avant, ou le couvre-feu. Il avait dit ça, le gouvernement, il y a plusieurs mois. Finalement, ils l'ont fait deux fois. Ben ouais, puis moi j'avais dit que même c'est au mois d'août, je pense, quand ils l'ont enlevé, je dis, ils vont en remettre un. C'est sûr qu'ils vont en remettre un. Puis même là, on dirait là, ils vont commencer à s'adoucir. Puis à... Mais j'ai vraiment aucune confiance dans le sens que, justement, à cause que ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire c'est du neuropiratage, dans le sens que, comme justement, quand on vient de dire, oh, on fera pas ça, là, tout de suite, on ouvre la porte à la possibilité, déjà, il va y avoir moins de surprises puis de résistance si ça se fait. Exactement. Donc, comme c'est toutes des techniques comme ça tout le temps, que ça a été étudié empiriquement là, par des instituts notamment rattachés à Oxford, puis que notre gouvernement a engagé des firmes de consultants qui sont très calés dans ces choses-là, c'est clair qu'on s'en va vers. Dans le fond, là, de la façon dont je vois ça, moi, à mes yeux, là, vraiment, là, pour être vraiment franc, là, puis Oui. honnête, puis clair de comment je vois ça, À mes yeux, la Chine, quand ils ont perdu à l'époque de la chute là, des Qing, là, Cui, l'impératrice Cui, puis après ce qu'il y a eu les transitions dans le Chuan Lai, puis l'ère Ming Guo, puis toutes ces affaires-là, au fond, l'Empire britannique a pris le contrôle par en dessous, par de la corruption de l'espace chinois, qui est devenu un laboratoire. Puis je considère que c'est des agents anglais, puis aussi de banquiers internationaux qui ont financé le communisme en Chine. Je considère la Chine comme un laboratoire. Puis je pense que le communisme à la chinoise ne vient pas des Chinois et que ça leur a été imposé par de la corruption, puis de l'influence, entre autres. Puis que finalement, c'est eux qui ont servi de laboratoire. Et qu'au fond, ces pouvoirs-là de banquiers qui sont transnationaux, qui sont vraiment, là, c'est vraiment des pouvoirs financiers liés à certaines personnes qui, ça fait des générations qui suivent le même plan. Je pense qu'eux autres, leur but, c'est de détruire tout ce qui est national. Notamment, là, le pouvoir régalien de frapper monnaie des États, puis la possibilité qui ont engendré la possibilité de créer des dettes extérieures, notamment en corrompant des politiciens qui nous ont trahis, comme Pierre-Elliott Trudeau, qui fait en sorte que le Canada s'est mis à se créer une dette extérieure en empruntant puis en endettant le pays. D'ailleurs, son fils poursuit ça en nous endettant le plus C'est possible. ça, il poursuit la même œuvre. Donc, Ouais. c'est au profit d'intérêts C'est ça. internationalistes Exact. au détriment des intérêts nationalistes. Exact. La Chine est un laboratoire, puis là, comme ça a jusqu'à un certain point fonctionné, même ça a très bien fonctionné, si on peut dire, ils ont réussi à créer une oligarchie là-bas qui trahira pas ceux qui les ont. En tout cas, là, ça, on ils sont rendus à l'étape, puis là, que tous les pays ont été vraiment, là, ils ont plus de pouvoir, puis que c'est vraiment des instances transnationales qui ont l'autorité, notamment. L'Union européenne, ça vient de là. Je veux dire, ça a passé par les États-Unis, mais les États-Unis eux-mêmes ont perdu leur véritable indépendance. Après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a été financée. Là, ils veulent mettre ça, là, sur la grandeur de la planète. Le but, c'est le contrôle planétaire total. Puis là, on s'en va vers une possiblement une troisième et dernière guerre mondiale. Que c'est pas assez, juste une pandémie pour ça va prendre plus que ça. Puis là, ce qu'on s'en va à tout, ils ont tous les atouts. Puis je mets là-dedans aussi le fait qu'on nous a bombardés pendant la deuxième partie du 20e siècle, puis tout le début du 21e avec les calices d'extraterrestres. Puis je pense que ça fait aussi partie de cette prise de pouvoir-là mondiale qui va être un contrôle total de la ressource humaine de la planète, si on peut dire. Puis. Finalement, je pense que c'est vers ça que ça s'en va, mais de la même façon que je pense que ça ne marchera pas là, à long terme. Oui, ben Serge Monod parlait entre autres du projet Blue Beam, où on donnerait l'impression qu'il y aurait des attaques d'extraterrestres, où il pourrait avoir la possibilité qu'il y ait des hologrammes qui soient projetés dans le ciel. Mais je suis pas sûr que. Je pense que s'il y a eu des fuites à ce niveau-là, c'est aussi calculé. Puis que ça fait partie peut-être de s'arranger possiblement. Parce qu'on le sait qu'il y a des technologies comme ça, comme par exemple pendant la guerre d'Irak, il y a des soldats de Saddam Hussein au Koweït, et ils sont tombés face à face dans le tas de la guerre du Golfe avec des chars d'assaut holographiques qui se promenaient dans le désert, que c'était des hologrammes. Donc, on sait qu'il y a des technologies comme ça qui existent, mais là, est-ce que ça va être utilisé de la façon dont on nous dit que ça va être utilisé? Ça, c'est possiblement des leurres. Je suis pas sûr. Je pense que ça va plus loin que ça, dans le fond. Ça donne quoi de faire des hologrammes dans le ciel quand je peux t'en faire dans ta tête directement, par des ondes, Ou entre autres? l'implantation d'une puce qui deviendrait essentielle par rapport à l'identité numérique pour franchir la porte d'un commerce. Ben, t'as même pas besoin de. Ouais, mais ça, c'est un autre pan. Je vois ça comme à côté, là. Mais oui, il y a ça aussi, mais même là. Mais normalement, possiblement que c'est une puce dans la main là, qui s'en vient, là, que ça va. Dès qu'on parle de ça, oh, complotisme, puis complotisme, ouais, mais ça fait depuis. Moi, ça fait depuis autour du milieu des années 90 que J'en entends parler de ça, l'affaire d'une puce Oui, ben moi aussi, puis récemment, entre ce le pouce et que. l'index. Exactement. Puis récemment, ce que je voulais te mentionner avec ça, c'est que j'ai tombé sur un article. D'ailleurs, je l'ai partagé en lien avec une vidéo YouTube que j'ai faite récemment, où en Suède, présentement, qui est un pays qui développe beaucoup d'applications par rapport à la puce. Tu sais, quelqu'un a une puce, ça peut ouvrir la porte, allumer les lumières, etc. Quand il franchit certains endroits, bon, il y en a une puce en lien avec le passeport injectal. Donc, ils ont développé ça. Puis quand la personne est scannée par la puce, ben ça permet de savoir si elle est adéquatement injectée. Puis là, c'est pas de Ouais, la mais là, c'est une science-fiction, ça firme existe. privée, là. C'est pas le gouvernement suédois, là, il me semble. C'est une compagnie privée qui a Oui, mais développé le ça. gouvernement, 1 plus 1 fait 2, là, pourrait emboîter le pas, puis par la suite, ça se propage un peu partout, comme le passeport injectal qui, au début, c'était en Israël, puis là, après ça, il y a eu d'autres pays, la France, le Québec. Ben oui, puis c'est de voir comment c'est paradoxal aussi, comment ça se fait que des pays comme l'Allemagne et l'Autriche qui ont connu au niveau de leur histoire puis de leur mémoire certaines choses se fassent à... C'est comme si c'était dans leur mémoire de répéter les mêmes erreurs. Puis là, on a Israël. Okay. C'est quand même surprenant, là. Oui, compte tenu de tout ce qu'on a connu et subi là, en tant que peuple là, lors de la Deuxième Guerre mondiale, là. Puis Israël, c'est le précurseur mondial là, en termes de mesures, là. Tu sais, eux autres sont rendus à la quatrième dose qu'ils injectent, tandis que les autres pays, c'est Israël, qui en est au fond une troisième. création des services anglais aussi. Je veux dire, les gens, ils pensent pas à ça, dans le sens que je comprends pas que c'est comme la véritable histoire d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale, puis ces choses-là, puis ils font pas les liens. Mais écoute, les gens sont occupés à écouter Julie Snyder, comme on en parlait tantôt. Puis elle parle pas de ça, ces choses-là, elle. Ah non, il n'y a pas de danger, à comprendre même pas. C'est pas du monde qui a des cultures extraordinaires, là. Même si on appelle ça des artistes. On appelle ça des artistes, mais ça n'a rien à voir, là. Dans le sens qu'elle, elle n'a jamais rien créé, là. C'est, tu sais, je veux dire, un Ah ben, artiste, c'est un créateur. elle a créé une émission qui est bien Ben populaire au non. Québec. Elle, là, elle était la conjointe d'un producteur puis d'un créateur d'émission, que je me rappelle plus de son nom. Lui, il est handicapé moteur, là. Il est en chaise roulante, là. Puis elle était sa conjointe un bout de temps, puis moi je considère que c'est pour des raisons d'intérêt. Puis après ça, elle est devenue la conjointe de Pélado. Ouais. Dans le fond, ceux qui passent pour des créateurs, c'est des gens qui sont, ils ont un talent de se servir des autres, puis de bien s'entourer un temps. Puis de se servir des autres. C'est ça, moi, que je constate, c'est eux qui font carrière. Donc Julie Snyder, à mes yeux, c'est pas une créatrice. C'est une opportuniste, une arriviste, on peut appeler ça de toutes sortes de façons, mais c'est pas un artiste, là. Pourtant, c'est tout dans le bottin des artistes, ce monde-là. Exactement. Mais c'est tout je veux dire, il s'agirait de les rencontrer en personne puis de discuter avec eux autres, puis les gens se rendraient compte que y a rien là, là. Il n'y a rien là. Tu sais, Julie Snyder, là, la déclaration Balfour, puis toutes ces affaires-là, c'est sûr qu'elle n'est pas au courant de ça, là. Même quand ils ont de la culture, qu'ils ont une grande culture, cette culture-là, si on prend Denise Bombardier, qui est une dame très cultivée, cette culture-là, elle sert à de subjectivité. Je veux dire, ils vont être accrochés sur des choses qui vont leur servir à pas voir d'autres choses. Dans le sens que si ça sert pas, c'est de la pollution, c'est de la nuisance. C'est un peu comme, je veux dire, Denise Bombardier, là, le français, puis le français, puis elle a été l'amoureuse d'un des hommes politiques québécois qui a engendré les réformes qui ont détruit le système d'éducation au Québec, soit Lucien Bouchard. L'ironie du C'était. sort. Hein? C'est l'ironie du sort. Ben oui, ben l'ironie. Moi, je vois ça comme de l'hypocrisie. Il y a énormément d'hypocrisie dans le fond, ce monde-là, là. Ils me font penser à des petits minous apeurés. Dans le sens que c'est eux autres, leur survie, leur milieu, puis de pas avoir de trop de graines de litière sur leur couverte. Mais au fond, ils s'en foutent, là. Ils s'en foutent du reste. C'est pas sincère. Denise Bombardier, elle s'en calisse des Canadiens français. C'est pas vrai, elle est pas nationaliste pour vrai, là, c'est une game. C'est un plan de carrière. C'est une image. C'est du marketing encore. Je la crois pas sincère, pas en tout, parce que ça se tient pas. De la façon dont elle agit. C'est la même chose pour. Si on prend tous ces personnages-là, c'est des traites systématiques. Je veux dire, on se fait trahir tout le temps. Sais, c'est un peu comme. Regarde, là. Comment il s'appelle, là, la voix enrouée qui fait des annonces de char, là. Guillaume Lemaitre-Vierge? Non, non, la voix enrouée, là, il est plus vieux pas mal. Là. Lui, il s'est fait connaître, là. Il avait l'air de. Il avait les cheveux. Il se promenait en camisole, il avait l'air d'un gars qui te demande, là, t'as-tu du change, man? Voyons, comment il s'appelle, lui. Dan Bigras. Oui. Bon, ben lui, Dan Bigras, il a fait une partie de sa carrière sur un capital de sympathie, dans le sens, ben, moi, je viens de la rue, puis mon frère, il est mort d'une overdose dans le fossé, puis j'aide les jeunes de la rue, puis blablabla, puis après ça, c'est, ah, oh, moi, je t'inoculerais ça à la sarbacane. Oui, c'est-à-dire c'est un appareil pour envoyer des fléchettes là empoisonnées. Ben oui. Puis il se rend même pas compte de ce qu'il dit. Mais ça passe comme du beurre parce que tous les médias avec le narratif officiel sont pro-mesure. C'est comme Denise Bombardier qui parle de faire la guerre, la guerre aux non-injectés, puis toutes ces choses-là. Elle, elle reçoit des blâmes. C'est comme elle puis Martineau, ils reçoivent des blâmes comme il y en a qui portent plainte là, comme au conseil de presse, tout ça, puis ils perdent pas leur emploi. Ben non. Puis Richard Martineau, là, tu lis ses chroniques, on dirait que ça a été écrit par un débile. Mais c'est pas parce qu'il est débile, mais il a un petit peu quand même. C'est pas. Mais il prend surtout ses lecteurs pour des débiles. Parce que c'est incroyable mal écrire comme ça. Il écrit, c'est tellement stupide, c'est tellement pas intelligent. Puis après ça, il était à la télévision, à un moment donné, je le voyais, il était avec sa pancarte, puis il s'était mis une passoire de métal sur la tête. Ah, les coucous, ce monde-là, clairement, sont totalement inconscients parce que ils se rendent pas compte qu'à un moment donné, ils se mettent en danger, là. Ben oui, parce C'est que pas à peu près, là. si l'expérience génétique en lien avec l'injection ne tourne pas comme ils pensent, c'est qui va être pointé du doigt? Puis c'est qui pourrait devenir les nouveaux boucs émissaires de la société Et québécoise? voilà. Puis encore là, eux autres, ils vont servir à détourner l'énergie de l'agressivité de la population contre les vrais responsables. Puis c'est eux autres qui vont se faire passer au cash à la place des vrais responsables. Puis les vrais Du monde responsables compris. vont sans doute collaborer avec l'OMS, l'ONU, puis dire, ah, nous autres, on l'avait dit, on n'était pas pour ça, les confinements, blablabla. Fait que là, Ben il y a oui. probablement une instance internationale qui va dire, on va être obligé d'amener une plus grande tutelle là, des États-nations parce que vous nous avez pas écoutés. Ben, discréditer justement tout le temps ce qui est les autorités nationales, entre guillemets. Parce que même Legault, Dubé puis tout ça, c'est pas. Eux autres, ils sont pas à l'abri, là. Non, mais peut-être qu'ils vont avoir les moyens d'avoir un hélicoptère pour les exfiltrer, puis les envoyer dans un pays style en Amérique du Sud, en Argentine, comme ça avait eu le cours avec les Allemands, là, dans C'est là l'Allemagne qu'on se rend nazie. compte que c'est pas du monde. Comment je pourrais dire? C'est pas du monde qui sont socialement, réellement au niveau affectif, puis c'est pas du monde accompli. Parce que quelqu'un qui a réussi sa vie psycho-affective, il est pas intéressé à prendre un hélicoptère, puis à se sauver de son milieu, d'avec ses amis, puis le monde qu'il aime vraiment, dans le fond. Quelqu'un qui apprécie réellement sa famille, ses collègues, qui a réellement réussi sa vie au niveau psycho-affectif, il n'est pas intéressé pour des millions à prendre un hélicoptère et à sacrer son camp en dernière minute pour aller vivre dans une villa au Costa Rica parce qu'il va être entouré du monde qu'il aime puis il veut continuer à. Tu sais, il ne va pas trahir ses amis, entre autres. Mais ce monde-là, ils n'ont pas d'amis, dans le fond. Non, Ils ont, exactement. Puis ils s'organisent c'est. pas pour en avoir non plus. Tu sais, si tu penses à Ben non. Emmanuel Macron qui dit on veut emmerder les non-injectés, il l'annonce clairement là. Tu sais, il a pas Ben l'air de oui. faire de ses amis. Mais tu sais, c'est comme dans Mafia, mettons, que là, il décide, ah, ben, lui, là, Tommy, il faut qu'on s'en débarrasse. Ils vont dire à son meilleur chum d'aller le tirer. Pour pas que Tommy, il se doute de rien. Fait que c'est son meilleur ami qui va le tirer. Pourquoi? Parce que du monde de même qui ont juste des liens d'intérêt, dans le fond, ils vont être beaucoup dans les apparences. Ah, oh, mon ami, puis ah, oh, je t'aime, puis. Mais c'est pas réel. Puis le monde qui nous gouverne, c'est du monde d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi bien se trahir entre eux autres, puis ils n'ont pas de réelle psycho-affectivité entre eux. Il n'y a pas de vrai lien. Dans le sens, c'est ça un peu du monde qui n'a pas d'âme, si on peut dire. Ils ont une âme, mais c'est de la corruption puis de la pollution qui crée les liens psycho-affectifs entre eux. C'est pas solide, ça. Non, exactement. Il y en a qui font penser à des coquilles vides, qui font tout simplement régurgiter un discours officiel, puis sont. Ouais. Mais c'est comme Arruda, là. Là, ils commencent à s'en débarrasser, puis ils vont finir par s'essuyer les pattes dessus. Mais ça, c'était prévisible. Il venait d'apparaître, le docteur Arruda, puis je disais ça. J'ai dit, lui, il va porter Oui, le puis c'est chapeau à un moment enregistré, là. donné. On a fait des émissions il y a Hein? plusieurs mois, puis tu l'avais annoncé, puis présentement, ben, c'est sûr qu'il est de plus en plus pointé du doigt, Ben puis. oui. C'est sûr, lui, c'est un innocent. Je veux dire, c'est pas parce que tu as un doctorat que tu es intelligent. Je parle au niveau de la stra des stratégies, entre autres, puis d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe. C'est un imbécile, ce gars-là. Je veux dire, ça paraît. Il est ridicule. Il est vraiment ridicule, là. Je veux dire, c'est clair qu'ils l'ont pas mis là pour son intelligence. En plus, je le disais, j'ai dit, lui, c'est un kid Kodak. Ben oui, il aime Il avoir l'attention, puis il y a un C'est côté très ça. théâtral dans la façon de s'exprimer. Puis de ce Ben, que j'ai compris, c'est que quand il était jeune, il voulait faire du théâtre. c'est ça qu'il a fini par faire, il a réalisé son rêve. Oui, exactement. Tu sais, à quelques jours d'intervalle, il dit non, non, le masque, portez pas ça, c'est juste la personne de la santé, puis après ça devient obligatoire. Puis tu sais, il y a plein de contradictions depuis le Ça début. veut dire qu'il n'était pas dans le secret des dieux au niveau de ce qui s'en venait. Puis ils se sont servis de lui, puis ça ne le dérange pas, eux autres, que lui, il a l'air fou. Donc c'est un pion parfait, ça. Non, Parce que exactement. il y a pas d'amour-propre, dans le fond. C'est quelqu'un comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour-propre. Puis c'est un peu comme. Là, ils ont commencé à donner un petit peu moins de subventions aux médias. Puis dans le Journal de Montréal, ils commencent à être un petit peu plus critiques du gouvernement. Mais ça, c'est juste un des mafieux qui disait, hey, je veux continuer à avoir ma cote. Fait que là, il est moins fin un peu. Oui, il établit un C'est rapport de quoi? force, une forme de négociation, de chantage, si on peut dire, pour essayer d'avoir plus d'argent pour amener le discours narratif mur à mur, là, comme ça l'était, là. Fait qu'au fond, on a affaire à des. C'est pour ça que tu penses-tu vraiment qu'il y a du monde de même? Eux autres sont au courant de certains secrets par rapport au niveau planétaire, à certaines forces. Non, je pense pas qu'il y ait une conscience prépersonnelle avec l'intégration de l'esprit universel. Non, mais c'est pas juste ça. C'est-à-dire que sur Terre, on côtoie toutes sortes d'affaires que. Comment je pourrais dire ça? Il y a différents niveaux fréquentiels, même au niveau de la matière. Donc, il y a toutes sortes d'affaires sur Terre que on côtoie, puis qu'on peut savoir que ça existe par certains effets, ou il y a certains phénomènes qui fait que la nature des choses n'est pas nécessairement comme on le pense. Il y a des humains sur notre planète qui ont le mandat de gérer un peu ces choses-là parce qu'il y a les masses. Là, c'est vrai, ils n'ont pas la maturité d'être au courant de tout. Mais du monde comme François Legault, puis ils sont pas dans le secret des dieux. C'est ça, t'as un peu ce qu'on. Ben Fait non, que. c'est ça, eux autres sont gardés, de ce que je comprends, dans une conscience superficielle, une conscience astrale, planétaire, puis ils n'ont pas une conscience cosmique, car s'ils l'auraient intégré pleinement, ce type de conscience-là, ils ne pourraient pas jouer ce rôle-là. Ils n'ont même pas une conscience scientifique de base. Dans le sens, tu sais, puis là, on dit, ah, oh, la science, la science, la science. Ben oui, mec. Il n'y a rien de ce que tu dis qui est scientifique à part le dire la science. Puis, je veux dire, c'est comme s'il n'y en avait pas d'experts. C'est comme là, hier, je pense que c'est Duhem qui a demandé à Dussault, c'est qui vos experts, puis a nommé l'autre qui a l'air d'une religieuse défroquée, là, tremblée, là, je sais pas trop, là. Je veux dire, c'est une lobbyiste à mes yeux, cette madame-là. C'est pas un expert. Puis il y aurait moyen de. Je suppose que tu surplaces celle que je parle, là, à l'heure d'une vieille fille là, avec une verrue ici, à l'heure d'une religieuse défroquée. Mais il y a 70 ans, cette madame-là qui est devenue un médecin, puis qu'aujourd'hui qui nous vend une certaine doctrine pour des raisons d'intérêt, ça aurait été possiblement une sœur. Comme si tu regardes le docteur Arruda puis ce monde-là, possiblement il y a 75 ans, ça a arrêté du monde dans les ordres. Oui, c'est ça, des religieux, puis le point de presse C'est quotidien avec ça. la sortie du grand prêtre devant le Ben, public. pourquoi? Parce que c'est des médiocres qui n'ont pas d'envergure, mais qui ils veulent de l'autorité. Donc, c'est juste que, c'est comme là, on a changé notre système, comme le système d'éducation, anciennement, c'était les ordres qui tenaient ça. Puis là, aujourd'hui, eux autres, il y a eu un transfert de l'énergie dans le sens que il y a un autre clique qui a pris le pouvoir de ça. C'est rendu l'État qui mène ça à cette heure. Mais si on regarde en France, que ça fait depuis 1789 que l'Église, ils ont tassé ça à cause de la Révolution, Oui. ben, eux autres, ils ont autant d'abus là, que nous, on a eu dans les années là, 50, 60, 30, 40, 50, 60. C'est juste qu'en France, les abus sont faits par des instituteurs, des travailleurs sociaux, des affaires de même. Pourquoi? Parce que là, c'est un autre clique qui a l'éducation puis qui a le système social. Mais ça donne à rien de dire l'Église abusait du monde, fait que là, on va mettre à la place des fonctionnaires que c'est eux autres asteurs qui mènent l'éducation, c'est eux autres asteurs qui mènent tout. Que avant, les hôpitaux, c'était des religieuses qui tenaient les hôpitaux, puis tout. Mais là, on le voit, regarde la dame amérindienne qui est morte d'un hôpital parce que les infirmières étaient racistes, puis ça ne lui tentait pas de la soigner. Dans le fond, ils pensaient qu'elle était saoule, elle était en train de mourir. Puis ils l'ont laissé crever de même. C'était pas des religieuses, mais ils ont agi exactement comme ce qu'on peut reprocher à certains types de religieuses qu'il y a eu dans le passé. Donc, l'affaire là, qui va abuser de son autorité, puis il va vouloir être vampirique par rapport à l'énergie du monde, c'est pas lié à une clique spécifique. On a beau avoir enlevé l'Église au Québec après la Révolution tranquille, si on met des mafieux à la place, qui ont la même crise d'énergie, qui ont les mêmes vices, qui ont les mêmes problèmes, ça changera rien. Mais c'est juste que comme on vient de changer de forme, on le voit plus. Non, exactement. D'où la fascination pour la forme, puis les gens qui n'ont pas la vibration qui est derrière, qui est pareille. Ben oui, c'est la même maudite affaire. C'est arrivé comme il y a pas mal. Le monde qui m'écrivent, c'est souvent du monde. Le monde qui comprenne vraiment ce que je dis, c'est souvent du monde qui ont en moyenne entre 55 et 65 ans. Ça me fait un petit peu de peine, parce que je voudrais qu'il y ait une certaine relève, mais on dirait qu'il y a certaines affaires qui s'intègrent juste avec l'expérience, Mais ça se peut malheureusement. aussi que ce qui arrive, c'est que les gens qui ont connu Bernard de Montréal, qui se sont intéressés au supramental, qui ont une certaine sensibilité par rapport à la nature de tes propos, parce qu'il y a beaucoup de questions de supramental, ben ça fait partie de cette génération-là. Ouais, mais ça explique pas tout. Parce que là, il y en a bien de ma génération qu'eux Oui. autres qui ont été conditionnés par le système d'éducation publique qui est encore pire que le système religieux était. Puis qu'il n'y a rien à faire, dans le fond. Puis il y a aussi. En tout cas, on s'est fait neuropirater, on s'est fait bloquer. Mais l'affaire, c'est que si tu regardes comme par exemple dans le temps, les filles meurent. Oui. C'est arrivé, là, du monde qui m'ont parlé de ça. Mettons, là, une jeune fille est obligée d'aller accoucher chez des religieuses, là, quand elle était dans le pire des douleurs, là, parce que c'était sans analgésique, fallait qu'elle vive son accouchement sans rien, là, pas d'épidurale, rien. Puis quand elle était dans le pire des douleurs, là, la vieille religieuse la plus frustrée puis la plus laite, là, genre, là, l'escargot séché dans le fond de la robe, là, elle venait au-dessus d'elle, elle disait, t'as voulu avoir du fun, hein? T'as voulu avoir du fun? Ben, expie. Expie par ta souffrance, ma fille, pour ta faute. Puis, le pire, c'est que ça existe encore. Ces forces-là sont de subjectivité puis de dominance. Là, au fond, qui sont des forces animaliennes de domination qui se psychologisent, c'est-à-dire Satan. C'est-à-dire que le monde là, qui se mettait des soutanes puis des robes de Oui. sœur, là, c'était les pires, les plus sataniques souvent. Je dis pas qu'il y en avait, qu'il n'y avait pas autre chose. Ben, Mais là, c'est encore pareil. oui, mais écoute, Sauf que là, c'est des habits cravates, oui. puis. Puis Mais. des sarraux de médecins. En fait, Oui, puis ils continuent à culpabiliser le oui, monde. ben, ça me fait Même si pas. ça se tient pas, même si ça n'a Oui, pas d'allure. exact, exactement. Parce que c'est une doctrine. C'est doctrinal, puis c'est quelque part, c'est des forces d'irrationalité spirituelle C'est ça. qui arrivent sous d'autres formes. C'est ça, exactement. Ben, moi, il y a quelques jours, Il y a une personne que je connais depuis plusieurs années. Bon, elle a attrapé le virus. Puis le médecin, à l'urgence, alors qu'elle était hospitalisée, il a fait la morale qu'il n'était pas correct de ne pas se faire cette fête injectée. Puis c'est à cause du monde comme toi que l'urgence déborde, à cause des non-injectés. Puis en tout cas, elle s'est faite mal recevoir, puis la personne était à terre. Puis elle se fait moraliser, culpabiliser, insulter. Hey, là, je me disais, si l'urgence déborde, là, c'est à cause de... C'est à cause de Dr. Barrette, puis Dubé qui n'est pas docteur, puis de toute la clique qu'il y a eu avant. Là. C'est ça qui fait que l'urgence ça déborde. Ça fait 25 ans que l'urgence déborde. Ça peut pas être de ma faute, mais le monde n'a pas cette vivacité-là. De toute façon, moi, je l'ai expérimenté. Quand tu leur réponds au monde comme ça, tu es traité encore pire. Ben c'est ça, ça risque de créer une escalade, puis l'autre qui se braque. C'est ça, puis là, tu es en position de faiblesse, puis tu es vulnérable. Mais il reste, je le sais, c'est pas tout le monde qui va, en tout cas, mais il reste qu'à un moment donné, c'est rire du monde, là. De toute façon, ce médecin-là, il fait pitié. S'il est intelligent, il travaillerait dans un hôpital privé ailleurs. Il serait pas dans un hôpital public à l'urgence. Quelque part, ils font pitié, là. Ils sont aussi victimes quand ils sont pitié mais... docteurs dans le système au Québec. Il faut dire aussi que les gens dans le domaine de la santé, depuis environ 2 ans, il y en a beaucoup qui font du temps supplémentaire, puis il faut qu'ils remplacent du monde. Fait qu'ils n'ont pas le temps d'évaluer les choses, de réfléchir, puis prendre un recul. Fait que là, ils sont tellement pris là-dedans que c'est ça qui arrive. Ben, le sens critique a pris le bord, puis là, ils accumulent la frustration, puis à un moment donné, ils veulent se décharger sur quelqu'un. Puis souvent, ça va être la personne, mais on l'a vu, comme justement là, la dame amérindienne là, que les infirmières disaient « Ben, t'as fait des mauvais choix de vie, c'est de ta faute. » Ben non, la dame est en train, avait un problème médical réel, elle était pas saoule ni rien. Puis eux autres, ils ont injecté de force des médicaments qui l'ont tué. Puis, ben non, c'était de sa faute à elle. On l'entend dans l'enregistrement, « Ben, t'as fait des mauvais choix de vie, ma belle. » Puis le pire, c'est que pourquoi ils pensent ça subjectivement? Parce que la personne fait partie d'un groupe socio-culturel qui est associé à certains problèmes. Donc, si la personne, au niveau environnemental, avait été vulnérable au point d'avoir les mêmes défauts que sa communauté, ça ne vient pas d'elle. Ça vient du contexte, puis ça vient du collectif. Ça veut dire que c'est encore plus une victime. Le monde n'a même pas le jugement à ce niveau-là, d'avoir le discernement. Ils vont tout le temps te culpabiliser avec ce qui ne vient pas de toi, parce qu'eux-mêmes, leur pensée ne vient pas d'eux autres, elle est subjective. Exact. Fait que c'est un cercle vicieux. Par contre, la particularité de cette Amérindienne, c'est qu'elle s'est filmée, puis ça a été su au reste de la population, puis là, ça a créé un scandale, puis là, il y a eu des réactions. Ben oui, puis là, ça sert à quoi? Ça sert à culpabiliser la population en général, comme si toi pis moi, on est des racistes, pis c'est de notre faute. Fait que c'est ce qu'on est plus avancé. Non. C'est incroyable, je veux dire. Moi, ce que je sais de les Canadiens français, c'est qu'on est nous-mêmes un sous-groupe culturellement ostracisé puis mis à part dans notre pays. Depuis qu'il y a eu la conquête anglaise. Donc, d'aller nous dire que tout ça, c'est de notre faute, alors que les pensionnats, par exemple, c'était fédéral, il y a un problème, là. Il y a un sérieux problème. C'est comme les orphelins de Duplessis. Ils ont appelé les orphelins de Duplessis. Mais oui, mais c'est un mandat de collaboration entre l'Église et le fédéral. La loi sur les Indiens, puis tout ça, c'est fédéral. Ouais. Donc, le provincial, il s'en mêlait pas parce qu'il était pas au courant tant que ça, peut-être. Et oui, il y avait des subventions, puis il y avait de la magouille, puis il y avait ci, puis ça, puis ça a dit tout le temps de même. Mais il reste que c'était pas... Puis ils ont appelé ça les orphelins de Duplessis. Puis ils sont même allés... je sais pas si tu te souviens, dans le temps, il avait fait un programme là, Duplessis avec Jean Lapointe pour nous montrer comment c'était corrompu l'Union nationale, puis là que tout le monde était sous dans le Parlement, puis les putains qui couraient tout nus dans les couloirs. Tandis que, puis on nous ramène tout le temps à une scène latine, puis blablabla, puis finalement, les Canadiens français, c'est qu'on est comme le reste des peuples, c'est-à-dire qu'on est une menace au niveau de tout ce qui pourrait être une identité nationale. Exactement. Et c'est sûr qu'avec la barrière de la langue, le français par rapport à, dans le fond, le reste de l'Amérique, parce que c'est le seul endroit que c'est parlé essentiellement, Ben, on n'a pas besoin d'avoir des gardes avec des mitraillettes là, à la frontière québécoise pour garder les gens ici. Parce que le simple fait que les Québécois, en général, ne sont pas assez bilingues ou dans la maîtrise de la langue anglaise, ben, t'sais, les gens ne peuvent pas dire « Ah, ben, je vais partir du Québec puis je vais aller faire carrière aux États-Unis. » C'est pas si facile que ça. Ah oui, mais il y a plein de pays de francophones. Quand tu es francophone, tu peux aller faire carrière en Suisse. Oui, mais là, Bon. ça demande une délocalisation plus grande. Puis on s'entend, la personne qui s'en va en Suisse, en France, en Belgique, ben, elle ne pourra pas voir à chaque année là, ou à tous les mois les membres de sa famille. Bon, oui, mais là, au contraire, c'est eux autres qui vont vouloir aller. En tout cas. Moi, j'aimerais bien mieux, si j'étais pour déménager, j'aimerais mieux aller en Suisse qu'à New York, Ben moi, j'aimerais mieux aller en là. Floride, car c'est là qu'il y a le moins de restrictions. Présentement, en Floride, écoute, je regarde Jean Cazot, l'ufologue, sur Facebook. Il fait régulièrement des posts, il nous envoie des belles photos. Il dit, regarde, il n'y a pas de port de masque, pas de passeport. On ne parle pas de la COVID. Les gens ne nous achalent pas avec ça. Il n'y a pas de mesures qui sont forcées auprès de la population. Ah Puis oui, mais la Floride, il y a bien trop. Moi, je voudrais pas aller là, il y a trop de Québécois. Moi, j'ai pas envie d'être en train de manger tranquille, puis Jocelyne Cazin vient s'asseoir à côté. Non, c'est une blague, là, oui, mais. mais on peut en parler aux gens qui nous écoutent à l'international. Ça, c'est une Québécoise qui Moi. va dans un restaurant avec des amis, donc une journaliste, elle raconte ça à Denis Lévesque. Puis là, le serveur n'avait pas de masque, elle était scandalisée. Puis elle a demandé au serveur, êtes-vous vacciné? Puis là, elle a demandé le propriétaire, il a dit, c'est pas de vos affaires, madame, là. Puis elle a dit, Ah oui. hey, il y a une crise sanitaire présentement, une pandémie. Fait que là, elle a justifié avec ça. Mais tu sais, c'est vraiment une crise, puis c'est si grave que ça, qu'est-ce qu'elle fout au restaurant, puis à emmerder les Américains? Ben, on nous a parlé il y a longtemps qu'il y avait du racisme des Québécois en Floride, je peux le comprendre, avec du monde comme Ben, une elle. hystérique comme elle qui cherche à Ben. faire la morale, puis qui cherche à savoir, hey, êtes-vous Mais. injecté, là? Puis elle demande ça au serveur, puis elle veut se Mais rassurer, c'est puis. par idéologie, hein? Parce qu'elle sait que ça se tient pas. Pas sûr, ça. Pas sûr qu'il y ait Moi, cette là, je la capacité de soupçonne d'avoir fait compréhension. ça pour après ça venir compter ça à Denis Lévesque. Dans le fond, au lieu de dire, ben, en Floride, il n'y a pas ces restrictions-là, puis les chiffres sont pas différents d'ici, elle s'en va dire, c'est eux autres qui sont pas corrects. Donc, c'est idéologique. Parce que c'est pas basé sur les faits, c'est basé sur une idéologie. Donc, elle est là pour nous vendre une idée, une propagande, sa doctrine. Comme je disais tantôt, c'est une doctrine, là, Ben oui, mais c'est parce religieuse, que là. ça sous-entend que les gens en Floride sont pas corrects, C'est puis, ça. tu sais, ils portent pas le C'est elle qui est pas masque. correcte pour qui elle se prend. Ben c'est ça, tu sais, elle s'en va dans un endroit en dehors de chez elle, c'est comme si elle va chez le voisin pour lui faire la morale qui est pas correcte dans la façon qui fonctionne chez lui. C'est épouvantable. Moi, c'est comme. En plus, ils ont pris le temps d'essayer de discuter avec elle. Moi, je l'aurais mis dehors immédiatement. Ben, elle a été bannie par la suite du restaurant. Je comprends donc. Elle, on devrait la garder au Québec et enlever son passeport pour plus qu'elle nous fasse d'affaires de même à l'étranger. C'est une vraie honte. Voyons donc, c'est vraiment honteux, là. Dans le sens que. Oh non, j'ai de la difficulté. En plus, c'est tellement stupide. C'est Exactement. vraiment. Mais C'est idéologique. ben oui, ben c'est ça. Mais cette personne-là représente sans doute une partie de la population québécoise qui, comme autrefois, tu sais, les Curie voulaient évangéliser le monde en Afrique. Bon, mais elle avait évangélisé les Américains, avec ses croyances idéologiques. Ben, je la soupçonne d'avoir fait ça pour pouvoir revenir puis dire, voyez, j'ai été une bonne Québécoise, j'ai fait. Dans le fond, c'est pour le. Elle a Oui, il y a fait le ça bout. parce que c'est une licheuse de notre régime. Elle pense à sa carrière. Puis, Exactement, puis ça donne une visibilité médiatique de passer à Denis ouais. Lévesque, puis ça peut être une façon de relancer sa popularité. Ben oui, c'est une façon de faire parler d'elle puis de se faire bien voir dessus. Parce que au Québec, c'est pas l'amour tant que ça du public envers un journaliste ou un artiste qui va obtenir des postes de visibilité puis le salaire qui va avec. C'est de la façon que tu es bien vu par le régime en place. Parce que c'est des affaires de subvention. Ben oui. Fait que c'est comme dans le temps, là, de temps en temps, dans les téléromans, là, tu avais un personnage que lui, il parlait un petit peu en anglais, ce personnage-là. Là, il cassait son français puis il disait quelques mots en anglais. C'était pour avoir des subventions du fédéral. Tout simplement. Parce que tu avais du contenu bilingue canadien. Mais c'est la même affaire. Je veux dire, elle, c'est de l'hypocrisie. C'est carrément de l'hypocrisie dans le sens que elle le sait que ça n'a pas d'allure. Moi, je la soupçonne de se rendre compte que ça n'a pas de bon sens, de savoir que ces règles-là ne changent rien. Mais c'est là qu'on voit à quel point ces gens-là, c'est de la corruption puis de la saleté dans le fond, puis qu'ils sont malhonnêtes. Parce que d'aller faire un show en Floride pour après ça venir se pâmer à Denis Lévesque, puis en passant, il n'y a pas de témoin en Floride, c'est-tu vraiment passé comme elle dit? Donc, Exactement. elle la revient, puis elle dit, oh, j'ai fait ça pour montrer comment c'est une bonne Québécoise qui pousse le narratif, c'est-à-dire la liturgie, si on peut dire, la doctrine. Puis elle pousse la doctrine qu'il faut accomplir comme il faut les rituels. Parce que c'est une question de. C'est pour évacuer de l'angoisse, là. C'est tout le temps une mécanique de. On va créer de l'angoisse, comme, ah, c'est dangereux, c'est ça. Puis là, il y a un rituel, une liturgie pour évacuer de l'angoisse, de se laver les mains. Puis ça revient comme les sacrements. Oui, Puis. exactement. Autrefois, les gens prenaient une hostie, puis là, ils vont prendre une fois de temps en temps une injection pour les sécuriser. Ben oui, puis tout ça, c'est moi, à mes yeux, à moi. C'est ça là, qui est. Comme. On va dire que le satanisme, par exemple, que c'est doctrinal. Puis non, non, c'est inconscient. Il y a des gens qui sont, si on peut dire, entre guillemets, des croyants, puis qui sont volontaires. Mais le vrai satanisme est lié à une subjectivité, une domination, puis à de la pensée qui vient pas de soi. Puis à une soumission au niveau de l'âme, c'est-à-dire de la mémoire expérimentale des gens. Donc, l'affaire là de créer tous des rituels magiques, genre païens, qui ont des relents d'antiquité autour, par exemple, de communier, puis le mystère de la transubstantiation, puis toutes ces affaires-là, moi, à mes yeux, c'est satanique. Parce que c'est une façon de créer de l'angoisse chez les gens, on leur parle de l'enfer, puis tout, puis après ça, il y a des rituels qui rendent dépendants et évacués de l'angoisse. Ben, l'affaire là, c'est que comme. On est en train de changer le pouvoir et passé d'un certain type de société. Puis là, tu as du monde qui finance ça en arrière, qu'eux autres sont en train de faire passer ça à une autre gang. Puis ils veulent faire une transmutation de la société, si on peut dire. C'est les mêmes techniques. C'est Oui. juste qu'à cette heure, l'angoisse est scientifique. Puis les rituels pour évacuer de l'angoisse sont scientifiques. Oui. Mais c'est la même chose, C'est les c'est la mêmes même. techniques dans le cadre de la réinitialisation de la société. Par contre, on est dans un contexte technologique avec la révolution industrielle 4.0, là, dont on parle Klaus Schwab, qui permet des mesures de contrôle et de surveillance des citoyens beaucoup plus grandes qu'autrefois en termes de quantité d'informations qu'on peut recueillir sur eux. Oui. Ben là, c'est comme là, si on traite quelqu'un comme moi personnellement, je suis pas anti le mot en V, là, je suis pas Oui. anti-inoculation, je le comprends, le principe, puis mais là, on parle pas de pas ça là, qui est question. Là, on parle d'un certain type de technologie puis de thérapie génique. Qu'on a changé les mots. Puis là, après ça, on va jeter l'opprobre. On va dire, comme dans le temps, là, ça revient au même que se faire dénoncer en chaire. Ah, oh, lui, là, ça fait tant de temps que. Tu sais, je veux dire, Oui, dans le bien, temps, quelqu'un là, se fait qui pointer rit du de doigt. dénoncer Ah, en chaire. des noms injectés, là, on fait telle chose, là. Ben, c'est ça. Ben, là, c'est devenu se faire jeter l'opprobre. C'est comme, il y a clairement, les médias ont pris la place de ce qu'on appelait l'Inquisition, là. Puis, ils te font ton procès en public. C'est pas sans faire penser, justement, dans le communisme, là, l'affaire, il faut que tu te confesses publiquement. Tu sais, c'est. Fait que là, t'as du monde qui vont venir en public dire, ah ben, je pensais ça, j'étais complotiste. Puis là, ils viennent dire, ah, oh, c'est parce que j'ai été endoctriné, tandis que c'est le contraire. Dans un régime totalitaire, puis tout ce que le passé nous enseigne, c'est ça l'endoctrinement, c'est un endoctrinement qui est lié à des religions d'État, entre autres, puis à des idéologies d'État. Je veux dire, tu sais, c'est quand il y a un changement dans le sens que là, à un moment donné, ils dominaient le monde, ils bâtissaient des églises, puis ils dominaient le monde, entre autres, parce que ça faisait partie d'un des pouvoirs, ce côté-là, les religieux. Là, à cette heure, c'est les scientifiques qui vont remplacer ce pouvoir-là dans les nouveaux régimes qui nous font un peu plus comme là, Lénine, lui, faisait débâtir les églises. Mais pour construire, tu sais, je veux dire, dans le fond, là, ils ont remplacé l'écurie par des. Ben, il y a le fils de mon cousin qui étudie pour être médecin. Puis je le regardais, le jeune, sur une photo. Puis je regardais, j'observais ça. Puis je me dis, lui, là, il a 60 ans, il aurait été au séminaire. Là, il étudie la médecine à Montréal, là, mais il a 60, 70 ans, là, il aurait été au séminaire à Québec. C'est là qu'il l'a renvoyé, puis il s'enlignerait pour devenir curé. Parce que ce jeune-là, c'est pas le genre de personne que je considère qui aurait la vocation d'être médecin. Dans le sens, parce que les deux, c'est des vocations. C'est une vocation, genre de vox, là, une voix intérieure qui te porte à vouloir. Mais on s'en va vers une médecine très, très, très inférieure parce qu'idéologisée politiquement par rapport à des intérêts. Comme je te disais dans le journal de Montréal, ils vont dire que l'addiction est une maladie du cerveau. Ils préparent le terrain pour vendre des molécules. C'est la seule raison. Parce que ça se tient pas. C'est pas. Il y a moyen de se débarrasser de Bien, ces c'est-à-dire que addictions. l'addiction, si on regarde au niveau, par exemple, sécrétion de dopamine qui est activée à chaque fois que quelqu'un prend une substance, puis là, ça renforce le circuit de la récompense, il y a une dimension biologique associée Oui, à des. mais ça part pas de là. Ça, c'est la conséquence puis la mécanique au niveau de l'actualisation dans le cerveau. Mais ça part pas de là. Non, c'est sûr que c'est une perspective qui est matérialiste, puis ça prend pas en considération la multidimensionnalité de la conscience, là. Ben non, parce que si tu regardes les gens qui ont des addictions graves, souvent, si tu fais juste les sevrer, ça marchera pas, ils vont retomber dedans. Parce qu'il y a une dimension psycho-affective liée à l'expérimental, puis à des problèmes souvent liés dans l'enfance, des traumatismes. Il y a une compensation. C'est pour ça que les thérapeutes de maintenant, comme justement mon cousin qui étudie pour, que son fils étudie pour être médecin, lui, il est thérapeute, il est psychologue il travaille avec des gens qui ont des addictions, justement. Puis, il est dans l'idéologie de maintenant. Puis, au niveau des thérapies qu'ils font faire pour essayer de débarrasser les gens de leurs addictions, mais qui ne leur expliquent pas les mécanismes, parce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre qu'il faut qu'il y ait une intégration au niveau de la conscience des mécaniques. Il faut que la personne développe un début de conscience intégrale pour être son propre programmateur. Sinon, ça ne marchera pas. Ben, ils ont au-dessus de 90% de récidive. Ben oui, mais c'est certain. Puis moi, à mes yeux, 90% de récidive, ça veut dire que ta technique n'est pas bonne, puis que les 10%, c'est possiblement fortuit. Le succès que tu as ou lié à un effet placebo ou à d'autres choses. Parce que ça se peut pas, c'est bien trop faible comme résultat. Ça n'a pas de sens, là. Il y a de quoi qui ne marche pas. 90% de récidive, c'est quasiment fortuit, c'est-à-dire que même sans rien faire, peut-être que la personne aurait fini par arrêter par elle-même. Tant Oui, qu'à non, je moi. comprends ce que tu veux dire. Et ça pourrait faire indirect que lui, ça y fait du travail. C'est-à-dire que si Ben les gens oui, mais. reviennent plusieurs fois au fil des ans, ben lui, ça permet de conserver sa job. Ben oui, mais à mes yeux, il nuit parce qu'il entretient la subjectivité d'une mécanique qui Oui, je comprends ce que tu veux ça nuit dire. quelque part. Oui, bien c'est sûr que Mais pour la là. personne, ça ne règle pas nécessairement le problème à long terme. Mais c'est sûr que présentement, en tout cas, tu sais, au niveau psychothérapie, c'est beaucoup des approches. Bon, si je pense à celle cognitivo-comportementale ou tu sais, donner des substances pour modifier la chimie du cerveau, c'est une façon d'appréhender le problème, mais qui prend pas en compte la dimension holistique de l'être humain et sa multidimensionnalité. Ben même au niveau de la mécanique par rapport à la biochimie du cerveau, ça prend pas en compte la réalité. Parce que le cerveau, lui, le résultat biochimique dedans, il est lié à une réactivité à l'environnement, lié à une répétition comportementale, puis à des programmes. C'est-à-dire quelque chose qui est enregistré plus subtil que ça dans l'âme, une mémoire psycho-affective comportementale. Donc, juste essayer de jouer dans le centre de récompense cerveau, puis l'endorphine, puis tout ça, c'est parce que c'est pas comme ça que ça s'est établi. Ça s'établit premièrement à cause d'un comportement qui était là comme une réponse à un manque ou une frustration à certains niveaux pendant le développement. Donc, il faut accomplir le chemin contraire, puis il faut que la personne consciemment intègre la mécanique qui l'a amenée jusque-là, puis qu'elle se comprenne parfaitement. Il faut qu'elle se voie. Puis il faut qu'elle voie les mécaniques. Parce que sinon, le danger de récidive, il est au moins de 90%, c'est sûr. Peu importe l'approche, s'il n'y a pas ça de vue, il faut que la Non, non, personne mais c'est développe sûr une que conscience intégrale. l'intégration du passé est fondamentale, puis que la personne soit capable d'intégrer les charges énergétiques et des traumatismes vécus dans le passé. Mais je le dis dans le sens multivariable, parce que la personne, oui, intègre le passé, mais elle sort de thérapie, puis elle retourne dans le même milieu avec des amis qui consomment toute de la drogue. C'est comme C'est un. pas intégré. Quand c'est intégré, tu n'as pas de retour en arrière possible. Une vraie intégration de la mécanique de quelque chose, tu ne retombes plus. Il n'y aura pas la répétition. Ça, le cercle est fini, là. Tu es sorti. Il y a eu une expansion de conscience. Tu es sorti du pattern. Parce qu'il est vu. Il faut que la personne, elle se voie. Il faut que la personne, elle se sache. Faut se savoir. Faut se voir. Puis il faut se comprendre, puis il faut se connaître, puis c'est ça, se savoir. C'est mieux que se connaître. C'est bien mieux que se connaître. Quelqu'un qui se connaît, c'est pas assez. Il faut se savoir. Dans le sens que quand tu es retombé 30 fois dans le même piège, puis que si ça donne que les mêmes circonstances vont faire que tu vas retomber exactement dans le même piège, ça veut dire qu'il n'y a pas eu intégration de la mécanique. Non, exactement, mais il faut aussi que la personne à la base soit partie prenante du processus dans le sens que des gens vont faire des thérapies, puis bon, c'est sous recommandation du médecin ou pour avoir le permis de conduire, ou il y a des contraintes externes qui les amènent là, mais tant que l'impulsion n'est pas interne, puis ça vient pas de l'individu fondamentalement, bien, il y a le risque de rechute est plus grand parce que la motivation vient de l'environnement puis n'est pas intrinsèque. Ben c'est ça. Parce que ce qui arrive, c'est que il y a un programme inconscient qui gère la personne. C'est-à-dire, la personne, elle perd une partie de l'énergie qui s'en va dans une répétition. Donc, c'est pas intégré. Il faut que la personne, elle vienne à bout de comprendre c'est quoi la programmation, puis qu'elle, elle se serve de l'énergie des programmes, puis qu'elle devienne son propre programmateur, qu'elle se crée un champ de créativité, puis que ce soit elle qui donne une direction à l'énergie. Mais pour ça, il faut que la personne, elle voit ces mécaniques-là. Puis pour ça, souvent, il faut que la personne, elle ait souffert. Il faut souffrir de sa programmation, souffrir du fait qu'on perd de l'énergie, que ça part dans des programmes, puis qu'on n'a pas le contrôle de rien. Il faut que ça soit une souffrance assez forte pour générer une colère assez grande pour la transmuter en volonté d'intégrer la mécanique de ces choses-là. Là, il va y avoir un début de conscience intégrale. Mais c'est pas que, il faut pas que le mouvement vienne dans le sens comme un médecin, oh, je vais t'aider, puis de, ben non, le thérapeute, il devrait juste être là pour dire, on va regarder ça ensemble, puis tu vas le voir par toi-même. Il faut que ce tout soit par la personne. Exactement, mais c'est de voir, tu sais, ça m'attend sur, tu parlais tantôt du fait que, bon, il y avait des thérapies, puis c'était pas vraiment efficace pour la plupart d'entre eux, mais moi, je serais surpris de voir, mettons, sur 100 personnes, s'il n'y aurait pas 90, quand on en regarde les motivations, ah, ben c'est le conjoint qui dit, il faut que je vienne, ensuite, une autre personne, ben là, ils m'ont dit, je pourrais pas retrouver mon permis de conduire, j'ai été arrêté en état d'ébriété, fait que là, la SAC me demande de faire une thérapie, pour retrouver mon auto. Ensuite, on pourrait faire des études de cas comme ça, plusieurs. Puis je suis pas mal sûr que dans l'essentiel, il y en a très peu ou très rarement que ça va être une motivation purement intrinsèque. Moi, ben, la personne, souvent, si c'est autre chose qui l'amène, ça veut dire qu'elle a pas assez souffert. Dans le sens que si c'est parce que la SAC te le demande, je veux dire, c'est ça la contrainte. C'est pas si épouvantable que ça. Mais de toute façon, là, la plupart des gens qui ont des addictions, ben, comment est-ce qu'on disait ça dans le temps? Ceux qui ont écrit certains traités de démonologie, ils disaient au niveau d'une possession, il y a tout le temps une sorte de consentement tacite du sujet. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a des addictions, ben, il y a une partie d'elle-même qui a accepté ça quelque part. Dans le sens, elle participe elle-même à ça. Puis il faut, des fois, la personne va être dans le déni, puis il va avoir une espèce d'immaturité à le reconnaître, ça. Puis c'est là qu'il va y avoir une espèce de jeu de dupe, une certaine hypocrisie. C'est pour ça que moi, être thérapeute, je ne serais pas apprécié ben ben. Parce que ces gens-là qui retentiraient dans mon bureau, « Ah, oh, je vais arrêter de boire. » Je les regarderais, je dis, « Je te crois pas. T'es venu rire de moi ici un matin. Te revire d'abord, puis va-t'en. » Mais la personne, elle ne comprendrait pas pourquoi je fais ça. Mais c'est parce que je le sais. Ça paraît à un Oui, moment ben, donné, je la comprends ce que. personne, là, elle veut pas arrêter de boire pour vrai. Elle me joue un jeu parce que c'est pour avoir un programme du gouvernement, je sais pas, là. Mais j'y croirais pas. Ça sent ces affaires-là. On Ben le sait à oui, un moment donné. ça sent, mais ce que je te dirais, c'est que si tu confronterais trop rapidement la personne, tu n'aurais pas le temps d'établir avec elle un lien de confiance qui favoriserait une plus grande Pas de ouverture de sa. n'avoir. La personne, elle se fait pas confiance elle-même, elle se connaît pas, elle se voit pas. Mais c'est Puis elle justement le possède rôle du thérapeute de l'amener par des reflets, par des discussions, à conscientiser progressivement certaines choses dans le respect de la sensibilité de la personne. Si tu y oh. garoches en pleine face avec une attitude assez critique ces quatre vérités, tu risques de créer un choc puis elle n'aura pas le goût de revenir à la prochaine Ben, c'est ça rencontre. mon but. Ben oui, mais je veux pas qu'elle revienne. Parce que je le sais que ça ne marchera pas. Elle fait partie des 90% que ça ne marchera pas. Il faut que la Oui, mais en personne même temps, retourne si dans tu son tra expérience puis qu'elle mais en souffre. même temps, il faut que tu comprennes que si tu travailles comme thérapeute puis tu veux continuer à avoir une paye la semaine prochaine, ça te prend des clients. Non, non. Moi, des clients que ça ne marche pas, ça ne m'intéresserait pas. C'est pour ça que je te dis, un système public, ça peut pas être bon. Le monde qui font ça pour la paye, parce que c'est un programme du gouvernement, puis ils veulent avoir leur pension, puis tout, ça peut pas marcher. Parce qu'ils vont agir justement de même, puis le cœur, il sera pas. Puis eux-mêmes, ils vont devenir hypocrites quelque part, puis faire la thérapie avec la personne en sachant que c'est pas sincère. Puis eux-mêmes, ils seront pas sincères. Pourquoi? Pour la paye. Il y a bien du monde. C'est comme il y en a qui m'écrivent, il y en a un dernièrement, il m'avait écrit, j'ai dit, gars, toi, arrête de me faire perdre mon temps. Puis après, il me réécrit, il dit, tu dois en perdre du temps à dire ça au monde. Ben, là, je réécrirai pas. Mais l'affaire, c'est que cette journée-là, j'ai répondu à une trentaine de courriels. C'est la seule personne à qui j'ai eu à écrire ça, là. Non, C'est du monde exactement, mais. problématique là, que je barre puis que j'envoie chier. Je dis non, non, toi, là, t'as pas assez souffert, tu t'en vas de ton bord puis tu t'arranges avec tes troubles. C'est peut-être 1 sur 60. Non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que je soulevais que le thérapeute a aussi son instinct de survie qui fait en sorte qu'à quelque part, il sait que s'il veut continuer à avoir un montant qui rentre, ben il faut pas qu'il confronte les gens trop rapidement. Mais je te dirais qu'au niveau thérapeutique aussi, il faut que la personne respecte la sensibilité de l'autre, un peu comme un enfant. Il faut pas que tu y crées des Quelqu'un chocs. qui se respecte pas, là. L'enfant, c'est pas pareil. L'enfant, lui, est en développement. Mais la personne, là, qui a une hypocrisie envers elle-même, puis qui se respecte pas elle-même, faut y montrer d'une façon ou d'une autre. Ben oui, Puis mais ça ça sera peut en pas en y venir à parlant ça. trop Mais l'adulte doucement. peut être aussi en développement compte tenu des carences affectives qu'il a connues dans le passé. Oui, je le sais, mais c'est par des chocs, là. Il n'y a pas d'autre façon. Prends là, un obèse morbide qui pèserait rendu à 1000 livres, là, il est plein de pustules purulents, puis il sent liable, là. Moi, être médecin, l'affaire que je fais, premièrement, c'est vous qui sentez ça. Vous êtes en train d'empester ma clinique, puis là, j'irai chercher un gros miroir, puis je le mettrai devant. J'ai dit, bon, ben, on va aller regarder votre dossier, puis je reviens dans pas long, puis je le laisserai au moins 45 minutes devant le miroir. Parce qu'à un moment donné, c'est rien que par des chocs. Il y a des cas qu'il n'y a pas d'autre façon. La personne, elle va mourir Oui, mais la si façon que ça je vois casse ça, pas. c'est que c'est le dernier recours de créer des chocs. Oui, Souvent, c'est le dernier recours. moi ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau thérapeutique, puis c'est sûr qu'on n'a pas à être d'accord, c'est que la personne peut commencer avec la méthode douce, puis y aller par gradation dans le cadre de l'intervention. Oh. Avec le temps, là, à un moment donné, t'as plus envie de perdre ton temps. Puis quand tu le sais tout de suite, t'as envie de. Mais C'est comme. des fois, la patience paye dans le sens que certaines personnes Ah, en oh, je prennent. serais que le contraire, moi. Ben, en tout cas, ça peut être sujet à discussion, là, mais on n'est pas obligé d'être d'accord, là. Tu sais, c'est comme à un moment donné, t'as plus envie de faire des combats que tu sais que tu gagneras pas. Parce que tu le sais que tu vas perdre de l'énergie puis que ça donnera rien, tu le sais tout de suite d'avance. Oui, ben, je suis d'accord avec toi qu'il y a des gens, intuitivement, tu les rencontres, tu sais qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec eux autres. Puis qu'ils n'ont pas à changer non plus, puis bon, c'est leur vie. Mais en même temps, le point que je veux faire, c'est que dans certains cas, un peu comme un enfant qui se développe, bon, ben, si tu as la patience de lui montrer comment faire du vélo, ben, il y a plus de chances qu'il apprenne que, tu sais, la personne qui se fait garrocher dans l'eau, puis elle se fait dire, ah, tu vas apprendre à nager de même, débrouille-toi. Ben moi, j'ai tout appris de même. Ben, ça dépend des gens. C'est ça. Ben j'avais un père qui était de même. Tu sais, il m'a pas appris à faire du basic. Il m'a acheté un basic, puis il m'a dit, va faire du basic. Ah ouais, va faire du basic. Je suis allé faire du Mais basic. c'est parce que c'est pas tous les gens qui sont autodidactes, puis ils n'ont pas nécessairement les mêmes capacités adaptatives ou, t'sais. Ça, je suis pas sûr, parce que c'est là que je me demande si l'environnement joue pas beaucoup, justement. Parce que tu sais, c'est comme la façon dont j'ai appris à nager, c'est que j'étais petit, puis j'étais dans l'eau, puis là, il y a eu des vagues, puis je me suis ramassé dans du plus creux, puis j'étais en train de me noyer. Puis je me suis mis à bouger comme du monde pour survivre, sinon je serais mort. Puis c'est de même que j'ai appris à nager. Puis c'est, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, le réel, l'expérimental, il va être comme ça. Ben, toi, ça a donné un résultat, la méthode dure. Par contre, ça me fait penser qu'à un moment donné, j'avais connu une fille qui faisait Ça me nuit des... aussi. Comment? Ça me nuit aussi, là, mais Ben, c'est continue. ça, c'est à Je double veux dire, pas juste des tranchant. bons C'est à côtés. double tranchant. Tu sais, j'ai connu à un moment donné une fille qui faisait des études en éducation spécialisée ici au Québec pour devenir intervenante. Et puis, dans le fond, elle avait des problèmes familiaux importants. Sa mère la surprotégeait. Tu sais, elle faisait pas à manger chez elle, le ménage. Puis là, elle allait faire une formation, c'est ça, en éducation spécialisée. Puis là, il fallait qu'elle se débrouille en logement. Puis là, il y avait comme le stress de l'adaptation du cours en tant que tel. Puis de la vie en logement, puis finalement, ben, la personne s'est suicidée, là. Fait qu'elle n'a pas été Ben, capable l'affaire, d'intégrer là, ça. il y a un problème psycho-affectif lié à l'image de la mère. Puis la personne, au niveau de son identité, elle veut pas être quelqu'un qui fait le ménage puis qui se fait à manger. Pourquoi? Parce qu'il y a un rejet inconscient de la mère. Ça peut être possible, C'est... mais Ben, je l'ai déjà ce que je vu, veux dire, ça. c'est que la méthode dure, en disant, bon, la personne quitte le nid familial, elle étudie, elle se débrouille, c'est pas tout le monde qui est capable de passer au travers. Non, mais c'est pas ça, c'est justement là, il y a eu ça, c'est pas la méthode dure, c'est un abandon. La méthode dure, il va y avoir une présence, il y a quelque chose d'imposé, tandis que l'abandon, tu laisses la personne complètement elle-même, c'est pas pareil, parce que il faut que la personne se sente vue puis qu'elle se sente aimée, même si c'est dur. Si tu l'abandonnes à son sort, tu dis bon, là, faut que tu te débrouilles, et ça se peut qu'elle se suicide. Ben c'est ça. Fait que Elle la sera pas capacité capable de. autodidacte ou d'adaptation est pas donnée à tout le monde. T'as des jeunes qui sortent de centre de la DPJ. Ben même là, le problème, c'est pas. C'est parce que là, il aurait fallu y expliquer et dire, ben gars, ta mère, t'as le droit de la haïr un peu. Elle est pas correcte tout le temps, là. Je veux dire, ta mère, là, t'es pas obligé de t'identifier à elle. C'est pas nécessairement ça. T'sais, faut pas que l'image de la femme soit liée à ta mère, parce que ta mère, ben, tu sais, des fois, le Doc Mayou, il va carrément dire à des auditeurs qui l'appellent, ben, gars, ton père, là, c'est un taré. Ben oui, puis la personne ne veut pas le voir, puis est en déni parce que c'est une image importante pour elle. Mais c'est un bon début de se le faire dire. Parce Oui. que, il y a ce qu'on appelle au niveau de l'imprégnation dans l'enfance, c'est-à-dire que la personne, inconsciemment, elle va intérioriser le parent. Puis au niveau de la construction de son identité, ça peut être de la pollution puis de la subjectivité, mais une affaire épouvantable. J'en ai connu des femmes qui avaient de la misère à faire le ménage puis à se faire à manger puis qui avaient complètement tourné le dos à ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un trouble avec la mère, l'image de la mère qu'elles avaient connue. Tandis que moi, j'ai pas de misère à tenir une maison, pas me faire à manger, pas faire ma vaisselle, là, puis je suis pas une madame. Ça n'a pas rapport. Mais au niveau de ce qu'ils connaissaient de leur mère, c'était ça le rapport à la mère. C'était la personne qui nourrissait, c'était la personne qui faisait le ménage, c'était la personne qui tenait la maison. Puis il va avoir un rejet inconscient à cause d'une souffrance psycho-affective. Dès l'image de la mère, fait que la personne, au niveau de son identité, elle n'a pas envie de faire ce qui est lié à la vibration de la mère, qu'elle a rattaché ça parce qu'il y a eu de l'imprégnation, il y a eu, tu sais, Non, je je veux dire, elle a comprends, mais intériorisé quelque chose oui. qu'elle rejette puis qu'elle associe. C'est ça. Fait que là, Il va y avoir un dédain, tu sais, c'est il va ça, elle veut se avoir un. déaffilier de la mère, là, inconsciemment, en se Ah, elle veut, défiliant mais des moi, ouais, tâches. c'est ça, c'est inconscient, fait qu'elle C'est veut pas ça. vraiment. Mais la seule façon de régler ça, c'est de dire, ben, t'as eu une mère incompétente au niveau psycho-affectif, elle était peut-être bonne pour tenir une maison, elle était peut-être bonne pour faire à manger, mais au niveau psycho-affectif, elle était tellement incompétente que toi, tu seras même pas capable de faire ça si t'intègres pas ces réalités-là. Exactement, mais Tu seras avant jamais de capable de dévoiler prendre comme soin de tu toi-même. proposes de le faire d'une manière explicite que la mère est incompétente, tu peux poser des questions. La personne qui était, mettons, qui serait intervenante pourrait poser des questions à elle en disant, moi, ta mère a fait telle chose, trouves-tu que ça a de l'allure avec ta conscience que tu as aujourd'hui? Tu sais, l'amener à réaliser des choses par elle-même. Oui, ça je le sais, mais moi je te parlais tantôt par rapport à quelqu'un qui viendrait te consulter puis que lui il fait ça pour récupérer son permis de conduire ou avoir la garde de ses enfants puis qui n'est pas vraiment intéressé à arrêter de boire à long terme ou de se droguer. Eux autres, je les enverrais chier. C'est sûr. Mais je regarde, viens pas ici un matin rire de moi, là. Non, Pas de je valeur, comprends là. ce que tu veux dire, mais des fois, un peu comme le Doc Mayou, tu sais, le faisait. Bon, votre mère faisait telle chose, puis là, il amenait comme la personne à réaliser, bon, ça a-tu de l'allure, admettons, le père, qui prend sa douche avec sa petite fille à l'auteur des parties génitales, tu sais. Ben, tu sais, c'est sûr que ça n'a pas d'allure. Mais ben là, c'est pas pareil, le contexte, c'est pas pareil. Mais t'es mieux d'avoir une présence qui va générer des chocs au niveau de montrer des choses comme ça que de comme tu parlais, la personne est laissée à elle-même totalement. Parce que ça vient de là en partie, les problèmes. C'est-à-dire que la personne étant enfant, elle s'est pas sentie vue, puis elle s'est pas sentie en sécurité quelque part. Il y a eu de l'insécurité au niveau psycho-affectif parce qu'il n'y avait pas une vraie vue, il n'y avait pas une vraie présence du parent. Donc, si tu laisses la personne à elle-même, tu dis, OK, là, à cette heure, tu t'arranges, là, tu es dans ton appartement, il faut que tu t'arranges. La personne, ça se peut qu'elle se suicide parce qu'elle n'a pas développé, elle n'a pas la maturité pour, elle ne sera pas capable de gérer Non, l'énergie c'est ça. Fait expérimentale d'être que laissée à elle-même. c'est ça. Il faut qu'elle soit accompagnée à une transition de vie. C'est sûr qu'au niveau québécois, avec la DPJ et les centres de jeunesse, quand ils sont rendus à 18 ans, ils se font comme mettre dehors. Puis, ah ouais, il va au logement, puis débrouille-toi. Bon, ben, il y en a une partie de ces C'est du gens-là qui virent dans darwinisme les. social. Qui vire dans l'itinérance ou qui vont virer dans la criminalité, la drogue, Oui. etc. là. Donc, c'est sûr que la façon que je vois ça, c'est que ces gens-là devraient bénéficier d'un accompagnement après 18 ans pour leur intégration psychosociale. Ouais, mais même là, il faut que cet accompagnement-là, il soit approprié. Oui, Je veux puis là. dire, avoir sur le dos une travailleuse sociale qui te fait des reproches, là. Un peu comme, t'sais, des agents de transition là, qui viennent fouiller dans tes tiroirs puis qui te fait des reproches tout le temps, c'est pas approprié ça. Fait que pourtant, c'est ça. Admettons qu'eux autres, le gouvernement, ils décident qu'ils mettent de l'argent pour accompagner les jeunes de la DPJ qui sont mis dehors à 18 ans. Ils vont mettre de l'argent dans des hosties de cabochons qui ont étudié en sciences sociales, puis qui vont venir faire ils vont venir jouer le rôle de parents incompétents, dans le fond, en étant tout le temps Mais dans les reproches. fais attention pour généraliser, là. Je veux dire, les Ah, je travailleurs vais sociaux, généraliser certains parce que il y en a vraiment, qui sont moi, j'en compétents. reviens pas. J'en ai pas vu à date, David. Tu sais, je veux dire, même au niveau de tout ce qui m'a été raconté, puis tout, là, j'ai jamais rien vu d'intelligent. Je veux dire, la DPJ, là, possiblement, là, que c'est un des pires systèmes dans les pays industrialisés, là, on a probablement un des pires systèmes au monde. C'est honteux. C'est honteux. Puis là, je parle, là, on pourrait se comparer avec n'importe quel autre pays au Canada, là, que je suis sûr que la DPJ, c'est les pires au Canada, puis je suis sûr qu'on est les pires dans le monde. Ben, C'est vraiment honteux. faut faire attention, tu sais. Il faudrait voir comment sont traités les enfants en Afghanistan, en Arabie Je te Saoudite. parle d'un pays industrialisé. J'ai-tu parlé d'Afghanistan, moi, là? Ben, tu parlais du Le monde. pays que le monde chie sur le toit pour isoler le toit, c'est pas de ça que je parle, là. T'sais, mais tu dis un des pires je dans le parle. monde. C'est pour ça que j'ai tiqué Oui, là-dessus, j'ai là. dit au niveau du G7, au OK. niveau des pays les OK. plus industrialisés, on est probablement les pires au Canada, puis on est probablement, si on comparait avec les autres pays comparables dans le monde, on est probablement les pires. Puis les plus dans les plus incompétents. Ça, je suis pas mal. De toute façon, le résultat le démontre. Je veux dire, c'est facile de le voir, là, dans le sens que on est les champions du suicide, là, au Canada, chez les jeunes garçons, là, on est la place au Canada que ça suicide de plus. On est les champions d'Amérique du Nord, puis on est les champions de. Même dans le tiers-monde, ça suicide pas de même. Fait qu'il y a de quoi qui marche pas, là, Non, dans exactement. le Le sens. modèle québécois, ça c'est un aspect que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Je pense qu'il y a lieu qu'il soit remis en question, notamment dans ses fondements, mais en particulier par rapport à la gestion de la crise sanitaire, où on est l'endroit le plus, un des endroits les plus infectés dans le monde, puis paradoxalement, où il y a eu le plus de transmission du virus. Mais oui, mais premièrement, c'est de la façon qu'on récolte les données, ça se tient pas debout. Puis, bon, du coup, ça, il y a après plusieurs détails, là, mais on est incompétent au niveau. Tu sais, c'est pas juste à ce niveau-là, là. C'est à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intérêt du monde qu'on soit incompétent à gérer nos propres affaires. On est mal éduqué, on est mal élevé, on est mal géré. Pourquoi? Parce que il y a du monde qui ont intérêt à ce que c'est pas nous autres qui mènent. Je veux dire, c'est bien mieux de faire venir des gens d'ailleurs, puis que c'est eux autres qui ont, tu sais, qui a pas d'identité, qui a pas de dans le sens d'identité collective. Puis il y a du monde qui ont intérêt à ce que les Canadiens français demeurent pauvres et ignorants, puis que Exactement, puis qu'ils soient pas capables de se torcher eux-mêmes comme du monde, puis qu'ils aient l'air de des mal torchés puis des imbéciles. ben c'est ça, c'est-à-dire qu'on nous garde faibles et à ce moment-là, ben, on est plus facilement manipulable puis dominable. Ben oui, mais on est de la ressource. Exactement ce qu'est le paradoxe. T'sais, on est des T'sais? endroits plus riches au monde en termes d'eau potable. Ensuite, tout ce qui est les métaux dans le nord, on en avait déjà parlé ensemble. Et on a un vaste territoire, donc. C'est un peu comme quand tu regardes un parc d'engraissement avec du bœuf, tu sais, des endroits où il y a des parcs d'engraissement pour le bœuf, là. Oui. Comme dans l'Ouest canadien, tu en as, là, c'est vraiment immense, là. Ben, les bœufs, ils ont de la marde jusqu'aux genoux. Puis c'est dégueulasse, c'est vraiment horrible. Puis c'est à perte de vue, là, tu vois des bœufs à perte de vue. Ben, ils s'en foutent, les producteurs, que ces vaches-là vivent avec de la marde jusqu'aux genoux. Parce qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est la viande. Puis c'est pareil, les Canadiens français, ils s'en foutent qu'on soit dépressifs, sur les pilules, drogués, mal éduqués. Parce que ce qu'ils veulent, c'est l'énergie. Fait que on est dans la marde jusqu'aux genoux, c'est un parc d'engraissement, si on peut dire, là, d'une certaine façon. Puis on est traité comme du bétail. Mais là, il va falloir à un moment donné que. C'est là que je dis que par rapport aux 90% qui n'est pas capable d'intégrer certaines affaires, il y a une espèce de loi naturelle là-dedans. Fait que il va falloir être. Comment je pourrais dire ça? Avoir plus la capacité d'intégrer ces choses-là. Puis le pire, c'est qu'on a un talent pour ça au Québec, plus qu'ailleurs dans le monde. Il y a des populations choyées qui sont plus à plaindre que nous. Puis ça peut revirer de bord à un moment donné, assez vite même. Oui, exactement, parce qu'il y a des modes qui ont changé. C'est-à-dire que là, présentement, la mode qui est générée par le gouvernement et les médias complices, c'est d'avoir du mépris pour les non-injectés. Comme dans le passé, à un moment donné, la mode, c'était d'avoir du mépris pour les homosexuels. Puis là, aujourd'hui, au contraire, la communauté LGBTQ sont très bien vues, puis... Pourquoi? Faut tout le temps se demander c'est quoi l'intérêt? Comment ça, ils ont reviré ça? Ouais. Parce que c'est de la destruction de la famille traditionnelle. Parce que ça convient plus au niveau de la ressource humaine. C'est comme ils ont changé le mode de production de la ressource humaine. Il faut enlever certains, justement, parce que c'est lié à l'identité collective. Exactement. Je vais juste faire une petite parenthèse là, parce que tu sais, je connais des gens qui sont homosexuels. Puis moi, dans le fond, tu sais, je respecte les gens, qu'ils soient hétéros, homosexuels, bisexuels, peu importe. Le point que je veux dire, c'est que faire observer aux gens qu'à un moment donné, à une époque, ces gens-là étaient ostracisés, le clergé était contre eux autres, c'était péché l'homosexualité, puis là, au contraire, aujourd'hui, c'est bien vu. C'est juste de montrer le changement. Mais je ne suis pas d'accord par rapport au fait que ces gens-là ont été maltraités, là, ouais. Mais non, c'est pas l'affaire d'être d'accord, pas d'accord, c'est juste de montrer qu'il change l'énergie de structure, puis il inverse les affaires. Puis c'est avec un jeu de même en promenant, je veux dire, peu importe ce qu'ils font, ça sera pas correct, là, parce que le but, c'est pas que ça soit correct. Le but, c'est d'avoir l'énergie du monde, c'est-à-dire d'avoir disponible des esclaves, si on peut dire. C'est ça, Là, puis créer l'affaire. des effets de polarisation. Là, présentement, c'est non injecté qui sont le bouc émissaire de la société. Demain, peut-être que ça sera les dirigeants. Puis là, on va voir l'ONU ou des instances internationales qui voudront plus s'ingérer comme étant nos sauveurs pour remettre l'ordre dans la gestion de crise. Ben c'est là, il y a une. Je le sais. Juste ça, j'ai hâte de le voir. OK. Si ça, ça, faudrait que je le voie dans la pratique, là, parce que ça n'a jamais été fait avant. Mais il reste que. Tu sais, je suis pas sûr. Il faut qu'il y ait un avantage là, pour. Tu sais, c'est un peu comme dans le temps des Gallo-Romains, là, pour qu'il y ait une soumission à Rome, il fallait qu'il y ait de l'intérêt pour tout le monde, puis c'était lié au commerce, puis à une certaine prospérité. Fait que c'est la même chose. Si c'est pour se soumettre à de quoi qui va nous appauvrir tout le monde, puis là, je suis pas sûr ça, que ça va marcher, là. Comment qu'on blâmerait nos dirigeants, puis il reste que c'est pour aller vers pire, les gens embarqueront pas. Ben, il y en a qui, si on pense avec le communisme, qui pensaient que ça serait mieux que les tsars, puis ils ont embarqué là-dedans dans la population, là, dans le fond, en Europe de l'Est. Bon, ben, les gens se font embarquer dans certaines idéologies comme. Ouais, mais comment je pourrais dire ça? Le contexte n'est pas tout à fait pareil parce que dans le temps de Nicolas II, c'était vraiment épouvantable, là, la vie, là. Je veux dire, les paysans russes, la vie qu'ils avaient, c'est pas comparable, là. C'était épouvantable, là. Il y avait de la grosse, grosse, grosse misère épouvantable, là. Puis après, Nicolas II, il a embarqué dans une guerre que justement, Rasputin, il avait dit, fais pas ça. Fais pas ça, t'y perds, tu vas. Fais pas la guerre, fais pas ça. Puis il a embarqué pareil, il s'est fait manipuler, puis à cause des Allemands, puis tout, il est embarqué dans la guerre. Bien, c'est sûr que le contexte était parfait pour que la population se révolte contre le tsar, parce que c'était un incompétent. Nicolas II, dans le sens que il avait vécu dans une bulle toute sa vie, il avait vécu dans une case toute sa vie, puis il était complètement coupé de certaines réalités. Que justement, sa femme, qui n'était pas russe d'origine, elle essayait, elle, qui s'est devenue très mystique, puis très proche de ce qu'on pourrait appeler plus les croyances du petit peuple, puis des gens pauvres, elle a essayé un petit peu de. Mais elle est tombée dans une autre folie, comme dans une autre. Fait que. Ils ont essayé de réussir leur affaire, mais il n'y avait pas les épaules assez. Je veux dire, ça se compare mal parce que la Russie, de l'époque de Nicolas II, les paysans, la vie de la majorité des Russes, c'était épouvantable. Même un régime stalinien, c'est le paradis à côté de ça. Il n'y a personne qui avait envie de Ben, vivre comme ces OK, gens-là vivaient. je suis d'accord avec toi pour dire que ma comparaison est boiteuse, mais des fois, les gens, dans l'espoir d'avoir mieux, ben là, ils tombent dans des trucs qui sont pires. Ben oui, ben c'est comme ça dans le fond tout le temps. Mais si on prend, premièrement, est-ce que les Canadiens français comprennent le système dans lequel ils vivent? Ben Puis non. quand je discute avec les gens, puis je leur dis, je dis pourquoi on a un lieutenant-gouverneur, pourquoi on a un gouverneur général, c'est quoi la différence entre les deux? Les personnes sont au courant de ça. À l'école, là, ils aiment bien mieux nous apprendre des affaires inutiles. Qui a nous expliqué le système dans lequel on vit. Il n'y a personne qui le comprend, ça. Comment, c'est quoi la différence entre une taxe et un impôt? Fondamentalement, c'est quoi ça devrait être la différence entre une taxe et un impôt? C'est un peu comme dans le temps de Sarah Palin. S'il y avait un journaliste qui était allé la voir dans le temps qu'elle avait fait toute sa politique sur l'énergie, qui était allé la voir, puis qui avait dit juste, c'est quoi la différence, Madame Palin, entre, je sais pas moi, entre du kérosène puis un autre type de gaz, ben, elle n'aurait pas su répondre. Ça aurait... Mais il reste que c'est pas à ce niveau-là que les choses sont gérées. Les peuples, là, ils savent même pas pourquoi ils votent. Parce que c'est tout. Je veux dire, on est éduqué pour être ignorant. Donc, les Canadiens français ne comprennent même pas le système dans lequel ils vivent. Ils comprennent même pas. C'est pas normal, par exemple, qu'il y ait aucune alternative, par exemple. Prendre le temps, comme ma mère, par exemple, dans le temps, elle venait d'un milieu assez pauvre qui était dans un contexte de colonisation. Puis, les dents des enfants n'étaient pas soignées. Pourquoi? Parce que c'était des enfants d'ouvriers. Puis, même dans ce temps-là, le monde se faisait arracher des dents saines pour se faire poser un dentier au plus sacré. Ils soignaient pas les dents. Ma mère, il n'y a personne qui a jamais dit de faire attention à ses dents. Il n'y a personne qui soignait ses dents. Tandis que mon père, lui, il venait de Montréal, un milieu un petit peu plus aisé. Quand mon père rencontrait ma mère, mon père avait toutes ses dents, ma mère avait plus une dent. Tout ça, c'est juste parce qu'elle n'était pas au courant. Pour elle, c'était normal. Tandis que mon père, c'est sûr que lui, quand il arrivait en région, puis qu'il voyait un peu, il trouvait qu'il y avait une certaine pauvreté, là, c'est vrai. Puis c'est juste que on est catégorisé, puis on va être programmé pour avoir accès à l'information selon la fonction qui nous est attribuée. Puis c'est des systèmes, c'est dans le fond, c'est de la sociologie pratique. Puis nos systèmes d'éducation, si tu prends les gens qui sont nos ministres de l'Éducation, par exemple, leurs enfants vont aller dans des écoles privées. Ils vont pas aller dans le système public. Pourtant, c'est ces gens-là. C'est comme eux, s'ils tombent malades, si François Legault il tombe malade, il va pas aller attendre à l'urgence, là. Il va aller dans une clinique privée. Oui, exactement. Probablement, il y en a un, en tout cas, un ministre, je pense que c'était dans le fond Lucien Bouchard qui avait été aux États-Unis, là, une clinique privée, une affaire de même, là. Ben, hey, ils vont jusque. C'est incroyable. Le monde ne se rend pas compte de tout ce que tu as accès avec l'argent. Tu peux même aller si tu veux, là, il y a certaines thérapies très chères, là. Mais tu peux aller te faire renouveler quasiment tout ton sang. Il y a certaines choses que le grand public n'a pas accès, il n'est pas au courant de ça. Pourquoi? Parce qu'on est sur une planète expérimentale, donc c'est lié. La connaissance, c'est toujours une forme de domination. Le savoir, c'est tout le temps de liberté. La connaissance, c'est tout le temps une forme de libération. On est dans un mode luciférien. C'est-à-dire que tout ce qui a rapport les lois de l'énergie, ça va être bloqué par la connaissance. Donc, c'est tout le temps initiatique quelque part. Juste le terme, ah, oh, c'est des mystères, c'est mystérieux ou mystère. Mystère, c'est un terme qui vient des anciennes religions initiatiques. Donc, tout ce qui a rapport à l'énergie est jusqu'à un certain point gardé tabou par des castes quelque part. Tu sais, dans le tabou, ça venait les Polynésiens. Tu sais, ce qui était tabou, c'est ce qui était sacré. C'était le monde de l'indicible. Les affaires, on n'en parle pas. Parce que c'est tabou, c'est sacré, ça fait partie du monde des dieux. Comme par exemple, dans l'Antiquité, les dieux, ils sont incestueux des fois, dans la mythologie. Mais ça, c'est tout lié au fait, les certaines lois de domination sur notre planète. Tout ce qui a rapport à la préservation des corps, tout ce qui a rapport à l'énergie, c'est toutes des choses qui sont liées à ce qu'on peut dire. Si tu prends ce qui est luciférien va tout le temps vouloir préserver ce qui est lié à de la mémoire expérimentale. Fait que t'as affaire à du monde, ils vont vivre plus vieux. C'est sûr, parce que c'est eux autres, ils sont dans un mode pratique technique. Mais un initié, quelqu'un qui sortirait de tout ça, un vrai initié, un initié du savoir, là, on va avoir affaire vraiment à des choses anormales. Comme par exemple des mystiques qui pouvaient survivre des mois sans manger ou des choses bizarres de même. Là, on est dans d'autres choses. Mais ces castes-là, le fait est que c'est tout le temps les castes liées à la connaissance qui gouvernent. C'est pas. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Il y a une différence entre la connaissance puis le savoir, mais on est dans un mode qui est lié à de la domination par le savoir. Oui, mais le savoir, la connaissance, pardon, c'est au niveau de l'intellect, alors que, ouais, c'est sur connaissance au niveau de l'intellect, alors que le savoir, c'est vibratoire. C'est ça, parce que la connaissance est polarisée, c'est-à-dire que c'est la polarité de l'ignorance. Donc, tu es tout le temps gouverné par rapport à ce que tu sais ou ce que tu sais pas. Tandis que quelqu'un qui est dans le savoir, lui, il va avoir une certaine liberté parce qu'il n'a pas besoin de connaître. Il va savoir instantanément. C'est comme une forte intuition, ça ne viendra pas par de la connaissance. Au contraire, moi, c'est pour ça que les gens les plus intuitifs, souvent, c'est des gens pas très instruits. Mais dans le fond, ça, c'est la vraie nature de l'être humain. L'être humain, il est censé être plus intuitif, plus proche de. Mais on est enfermé dans un mode qui est lié à la préservation de la forme. C'est ça un peu la connaissance. Ouais, ben la prison psychologique et idéologique, ben c'est sûr que c'est évident là, surtout dans la période présente avec la crise là, qui ne finit plus là, avec le discours unique là, dans les médias, le gouvernement, tout le monde marche dans la main. Mais je Ben, c'est voulais, sûr. ouais, c'est ça. Mais je voulais profiter quand même de la discussion d'aujourd'hui pour t'amener à te prononcer sur Éric Duhaime. Qui a déclaré il y a quelques heures que lui, il demandait au gouvernement de mettre fin aux mesures. Ben, moi, à mes yeux, Éric Duhaime, lui, il a le rôle de l'opposition à l'intérieur d'une manipulation. Je veux dire, lui, c'est intéressant pour lui au niveau de se faire un capital politique qui va faire qu'il peut jouer un rôle dans ce théâtre-là. Mais je veux dire, ce qu'il déclare là, c'est l'évidence même. Là, on est dans des. Exactement, mais moi je trouve ça intéressant qu'il passe dans les médias dans le sens que il y a quelques mois, ce genre de propos-là n'aurait pas été accepté Ben, il dans y le. a eu le feu vert. Ben, c'est Il laisse ça. faire parce que là, il y a le feu vert. Faut qu'il laisse faire. Ça Parce revient que au là, même que. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il sert quand même l'agenda de l'élite dans un sens qui le Ben. laisse. Ouais. Là, il est allé hier à. Comment qu'elle s'appelle, là? La baboune, là. Anne-Marie Dussault. Moi, j'irais même pas. À son Une émission, ouais. opposition logique, là. Je vois pas là, là. Bon, la stock-up de Radio-Canada, fuck. Ben non, il n'y en est pas question. J'irai même pas. Je sentirais que j'insulte mes électeurs en allant là. Non, je comprends, mais c'est sûr qu'il joue le jeu. Mais quand même, de dire publiquement, regardez, là, les mesures, ça fait 2 ans que ça marche pas. Si ça avait marché, on l'aurait su. Puis, tu sais, il va quand même dans un discours qui est vraiment en contradiction, là. Tu sais, ça serait vraiment la fin de toutes les mesures comme en Angleterre qui connaissent présentement, enlever le passeport, enlever le port du masque obligatoire. Fait que moi, j'ai été surpris par son mouvement. Je m'attendrais à Ben, eux une. autres, ils ont eu le feu vert, c'est parce que ça marche par phase. Il y a eu à Mané, tu as eu SRAS, tu as eu H1N1, puis on a le COVID. À un moment donné, le COVID, il va finir. Puis la fois d'après, ça va être encore d'autres choses. Ça va être encore pire. C'est normal, à un moment donné, il faut qu'il lâche un peu, parce que par phase, il faut y aller progressivement. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ils ont le feu vert pour dire, ben là, va falloir progressivement enlever des mesures, puis. Mais si ça reste, on est encore dans la même pièce de théâtre. Exactement. Donc, moi, ça me dit rien de bon. Moi, je m'en fous. C'est quoi? On va nous redonner la liberté d'être esclave d'une façon plus normale. Dans un monde où on est tout aussi restreint qu'avant, ben, d'une façon plus relâchée un peu. C'est un peu comme si on vient de t'ouvrir la porte de la cellule, puis tu vas avoir le droit d'aller te promener dans la cour intérieure de la prison. Moi, je vois pas ça comme une libération. Je suis venu au monde en prison, tant qu'à moi, là. Fait que je suis venu au monde dans une dictature, puis c'était déjà une dictature des siècles avant, puis je suis sur une planète prison, puis là, on va m'ouvrir la fenêtre un peu. C'est comme ça que je le vois. Puis le gardien, comme. C'est un peu comme Éric Duhaime, c'est comme si c'était un gardien de prison il a eu la permission de te dire bonjour puis d'être plus gentil, puis là de dire ah ben là ça, je vais aller dire au directeur là, que là on a le droit d'aller se promener dans la cour intérieure de la prison. Je vois ça comme ça. Au fond, c'est juste ridicule. Je trouve ça ridicule dans le fond. Je veux dire, j'ai rien contre lui, Monsieur Diem, mais je suis parfaitement. Il était tout jeune, puis il était de jeunesse libérale, puis il a tout le temps voulu avoir du capital politique. Puis tu sais, c'est comme lui, tout, il a été choisi quelque part, il s'enligne selon ses défauts. C'est un peu comme le docteur Arruda. Je veux dire, je l'ai écouté à la radio, puis c'était une espèce de c'était un maître dans l'art de provoquer, puis Oui, de ben c'est un vendre. polémiste. Oui, c'est ça, c'est son métier. Fait que est-ce que j'ai confiance en ce gars-là pour être l'opposition, puis non. Moi, à mes yeux, c'est un produit, c'est une création, c'est pas réel pour moi. C'est clair que c'est pas lui qui va nous libérer, là. Premièrement, il est chef du Parti conservateur, c'est assez comique. Si on expliquerait ça à des conservateurs de v'là 40 ans, c'est qui ce gars-là, puis qui est chef du Parti conservateur, il n'en reviendrait pas. Non, C'est le monde à l'envers, il y a eu une inversion, là, ça marche pas, là. C'est quoi ça? ben, les Voyons gens donc. seraient surpris parce qu'il y a 40 ans, l'homosexuel était mal vu au Québec, puis lui est C'était les conservateurs qui étaient les plus. Puis lui, il rentre les plus chef du Parti rigides. Tu sais, les conservateur, c'est une façon. conservateurs s'associaient à la droite religieuse qui condamnait sévèrement l'homosexualité alors que lui est homosexuel, tu sais. Ben là, à cette heure, c'est pas mal rendu. Après, là, dans le fond, l'Église, c'était l'hypocrisie, au fond, c'était des espèces de pervers moralisateurs. Puis là, à cette heure, c'est juste sont plus décomplexés. Ils ont moins d'autorité, mais c'est pareil pour le reste, là. Fait que ça me surprend pas, j'ai rien de surprenant là-dedans. L'affaire, c'est. Lui, c'est clair que d'une certaine façon, quand tu crées une pièce, tu sais, tu crées un jeu ou un terrain, bon, faut qu'il y ait un espace, donc gauche-droite. Puis, mais c'est tout le temps dans ce cadre-là. On est tout le temps pris encore dans le même cadre. C'est ça nous sort pas du cadre, Il y a personne encore qui arrive qui dit, ben là, est-ce qu'on veut, oui ou non, continuer à vivre dans le parlementarisme britannique? Est-ce qu'on pourrait re-regarder ça encore? Est-ce qu'on pourrait discuter de nous libérer, t'sais, d'acquérir un vrai pouvoir régalien de frapper monnaie? Comment ça se fait qu'au Québec, on ne frappe pas des pièces d'un once d'or qu'on pourrait appeler des lys d'or avec une fleur de lys dessus, puis qu'on n'a pas. Comment ça se fait qu'on n'a pas une réserve d'or, les Québécois? Pourquoi les Québécois, on ne pourrait pas commencer à avoir une milice de défense territoriale nationale, une sorte d'armée du Québec? Comment ça se fait qu'on est encore. Il y a un paquet de choses que c'est même pas envisageable. C'est même pas envisageable, puis c'est même pas concevable par la population. Il y a personne qui est arrivé pour dire, ben moi, je pense qu'on devrait frapper des pièces d'or pour avoir une réserve d'or au Québec. Ben non, à la place de ça, on a du monde comme Parizeau, puis du monde comme Lucien Bouchard qui est allé se traîner à genoux à New York, puis Parizeau que, ah, tu sais, dans le Duplessis, il avait dit, oh, on va électrifier la province, puis finalement, c'est sous Jean Lesage que ça s'est fait. Ils sont allés emprunter à New York pour ça. Finalement, ça fait longtemps que ça s'est rentabilisé. Puis encore aujourd'hui, les Québécois, ben, ils payent pas mal cher pour l'électricité, que c'est leur argent. Qui a, tu sais, à un moment donné, là, ça marche pas, là. Ça marche pas. On n'a pas de. On vit dans un rêve. On vit dans une illusion. Oui, ben c'est sûr que dans le fond, on vit dans un imaginaire qui est cultivé en fonction de croyances collectives, d'un agenda, d'un narratif, et c'est sûr que c'est ça qui nous manipule. Ben là, ça n'a pas de bon sens. C'est comme. Si on prend, il n'y a pas juste ça, tu sais, le monde souvent, oh, les Desmarais, Sagard. Ben oui, mais c'est rien, ça, là. Il y a d'autres choses et tout. Il y a pire. Je veux dire, Desmarais, c'est pas fait tout seul. Ben non, il y Il a a été d'autres. choisi. Ben c'est ça. C'est quoi la bourse, là, Ambrose, je sais plus quoi, là, puis que Jean Chrétien y a reçu, puis. Il y a un paquet d'affaires que finalement, ce n'est pas des Québécois. Même dans le temps, là, comment ça s'appelait, là, la patente, là? Ils appelaient ça la patente, eux autres. Il y a eu une société secrète canadienne-française. Ah. Voyons comment ça s'appelait, l'ordre de Jacques Cartier, c'est ça? Non, je me rappelle plus. Je sais Mais il pas. reste que même ça, c'était toutes des opérations inversées, des opérations de contrôle. Comment tu veux qu'on s'en sorte? Comme il y en a un dernièrement, il parlait, c'est quoi pour toi QAnon? Puis je disais, ben pour moi, c'est une opération des services secrets, là, de la CIA, puis c'est tout de la marde, de l'hostie de marde. J'ai fini par dire, c'est de l'hostie de marde. Finalement, il y en a qui répondent, oh, ouais, c'est de l'hostie de marde, puis pas long, il n'y a pas longtemps, il y a l'autre. Pereira, que mais lui, selon lui, tout, c'est toute la cité. Je veux dire, c'est même quand tu penses que quand tu vois une opportunité, là, qu'on t'ouvre une fenêtre, là, puis ah, par là, il y a un petit peu d'espoir, puis tout, là, c'est tout le temps pour récupérer l'énergie. Tout le temps. Exactement. Fait que c'est pour ça que je me méfie d'Éric Duhaime, parce que lui, il dit qu'il va Ben amener une réforme en santé. Or, tous les prédécesseurs qui ont dit ça, que ce soit le libéral, le Bloc québécois, ça n'a jamais marché. Ben, c'est de même qu'ils ont scrappé le système par des réformes, comme l'affaire d'envoyer un paquet d'infirmières à retraite quand Pauline Marois était ministre de la Santé. Ça faisait partie des réformes sous Lucien Bouchard. Oui, ça, c'est au niveau du Parti québécois. J'ai dit le Bloc Oui, québécois, mais c'était le Parti québécois que je voulais dire. parce que les autres, moi, j'en parle même pas, le Bloc québécois, à mes yeux, c'est comme une farce. C'est une Exactement. mauvaise blague. Ben, Mais. d'ailleurs, tu sais, avec Gilles Duceppe, le fils de Jean Duceppe. Qu'est-ce qu'il fout? Il y a de quoi qui marche pas. On est avec des héritiers de gens de théâtre, de... Ben oui, tu mais on le sais. voit avec Justin Trudeau, là, une autre génération de gouvernants là, de Pierre Elliott, puis Ben lui, c'est comme... un Lui, il prophète. nous a prouvé une chose. T'as pas le droit d'être enseignant si t'as T'as pas le droit d'être enseignant si c'est un dossier criminel, mais tu peux être premier ministre. C'est incroyable. C'est plein de... Puis, j'ai jamais vu ça, quelqu'un avoir. C'est juste ce qui se passe en chambre à Ottawa, c'est de la façon, là, Justin Trudeau, quand il veut pas répondre, là. Quand il veut pas répondre, là, comment, de la façon qu'il s'y prend. Mélanie Joly, pareil, là. Juste ça, c'est pas endurable. Ça, juste ça, c'est un scandale. Il y a personne qui devrait endurer ça. Ce monde-là devrait être en procédure de destitution, juste de la façon ignoble, comment qu'il traite les institutions. De la façon que, juste que de pas vouloir répondre, là. Je voyais ça même quand j'étais petit, j'écoutais la période de questions à l'Assemblée nationale au Québec. Puis là c'est la période de questions. Puis là, il y en a un là, qui le critiquait en telle patente, là, il posait telle question au ministre. Puis là, tel ministre disait « Ah, oh, j'aimerais répondre, mais je voudrais saluer la présence de telle chanteuse au balcon, comme j'aimerais mieux entendre la voix de cette dame plutôt que ces questions, blablabla. » Je regardais ça, j'avais 8-9 ans, puis j'étais enragé. J'étais enragé. Je me rappelle Pauline Marois dans le temps, là, qu'ils s'étaient mis à l'habiller un peu pour la rendre plus sympathique. Là. À un moment donné, il avait mis un foulard ou je sais pas trop, puis elle avait un catéchèse en pierreries. Puis je le regardais parler, puis même étant un enfant, la vibration, ça, je le percevais. Puis je le voyais à quoi on a affaire. Je le sens à quoi on a affaire. Ben, elle, c'est une travailleuse sociale. Les travailleurs sociaux, là, à mes yeux, c'est une des. Ceux qui ont été formés à partir des années 70-80, là. Puis il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a eu une infiltration au niveau des institutions d'enseignement, puis par rapport à des idéologies de déconstruction, puis aussi des affaires au niveau de la sociologie qui ne se tiennent pas debout. Il y a une crise de différence entre ce que j'ai appris au niveau de la sociologie, comme Gustave Le Bon, puis d'autres, puis ce qu'on a appelé par après les sciences sociales. Ça, c'est de l'hostie de bullshit, les sciences sociales. Ça m'enrage tellement. J'ai tellement entendu de conneries. C'est pour ça que je te disais tantôt, je disais, les affaires là, de travailleurs sociaux, puis c'est les nouveaux. C'est eux autres à cette Les heure qu'il nouveaux faut curés. surveiller. Ben, c'est eux autres qui vont faire le trafic de personnes puis de prostitution juvénile, d'après moi. Moi, c'est eux autres que je surveillerai. Tu sais, dans le fond, là, moi, je veux bien. Tu sais, quand il y a eu le scandale à Laval, là, qu'il y avait des petites fugues là, du centre de Laval, là, c'était tout le temps des petites filles autour des mêmes âges qui fuguaient. Puis tout, là, par après, ça a sorti qu'il y avait du monde à l'interne qui facilitait ça, puis c'était lié à des réseaux de prostitution juvénile. Mais ça, moi, dès qu'ils ont commencé à dire, oh, il y a une problématique à ce centre-là, à Laval, il y a des fugues à répétition, puis on comprend pas pourquoi. Moi, tout de suite, c'est ça que j'ai pensé. C'est tout de suite à ça que j'ai pensé. Ce qu'on a appelé, dans le fond, là, tout ce qui était, ils ont juste, l'énergie a fait juste promener d'une structure à l'autre. C'est pas parce que l'Église a plus de pouvoir qu'on n'est plus dans exactement le même genre de société. Puis, Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que Legault, il porte pas le nom d'un. C'est pas. Il est pas considéré comme, dans le fond, comme un dictateur d'Europe de l'Est communiste, que c'est pas ça qui est, dans le fond. Non, non, mais La. c'est une version 2.0 de Duplessis, parfois, j'ai l'impression. Ben, Duplessis, au moins, il y avait un certain. C'était pas un trop hypocrite au niveau du nationalisme. Lui, il a mis le crucifix, Legault l'a enlevé. Ben, quelque part, je sais pas, là. Tu sais, Duplessis, je l'aime pas, mais je l'aime plus que Legault. Oui, mais C'est dans les ça. deux cas, ils ont un côté paternaliste, de faire l'ingérence, de dire au bon Ben, peuple c'est quoi qu'il doit faire. ça prend un peu ça pour être premier ministre au Québec, là. Même peu importe où, tu sais, je veux dire, même Trump, il y avait ce côté-là. Dans le sens que pour qu'un dirigeant soit charismatique dans des sociétés matures comme les nôtres, il faut que le gouvernant il ait quelque chose d'une certaine. Il va avoir un certain charisme viril autoritaire. C'est normal. Mais, tu sais, je veux dire, Trump, il était bien plus paternaliste que Biden. Biden, il est juste ridicule là, pour faire une comparaison. Tu sais, quand il se plisse les yeux pour lire puis qu'il se met les mains de même. J'aime autant. Tu sais, je veux dire. C'est sûr qu'il est paternaliste dans le sens qu'il joue sur l'irrationnel, au sens faut faire ce que je dis parce que moi je suis votre comme votre père, puis j'ai raison, puis je veux votre bien. Ouais. C'est sûr que ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que ça n'a pas de bon sens. On n'est pas dans une espèce de monarchie. Ben, ça va dire, ben là, c'est comme dire, ben là, les enfants, il faut vous rester chez vous. Le nombre de cas augmente, on met en place un couvre-feu. C'est un sacrifice qu'il faut falloir que vous fassiez. T'sais, tous les experts disent que non, non, garde, là, on est supposé être dans une démocratie. Fait que tu vas nous expliquer pourquoi tu arrives à cette conclusion-là. Tu vas nous expliquer au niveau de la logique comment vous êtes arrivé à ces mesures-là. Il faut nous expliquer détail par détail d'une façon parfaitement logique le pourquoi du comment. Exactement. Puis les références, on les a jamais. Tu sais, ils vont dire, ah, Ils gardent pas de notes. ouais. Ils font des shows Dubé, ils appellent du monde, oh, je m'excuse, blablabla, pour telle personne que vous avez perdue. On le voit que c'est un show, on le voit que c'est stagé. Je veux dire, eux autres, ils font juste obéir à des firmes de conseillers en communication. C'est pas supposé être un reality show, là, la politique puis la gestion. C'est eux autres, ils gèrent de l'image, puis ils font de. Même les points de presse, c'est de l'information spectacle. Comme là, même là, ils n'ont un cet après-midi, puis supposément qu'ils n'ont rien à annoncer. C'est juste pour nous qu'on ne perde pas l'habitude des avoirs de temps en temps, qui sont là, puis qu'ils ont C'est affaire à ça, nous. c'est créer une rétention de l'auditoire en la gardant en haleine au cas où il y aurait des nouvelles mesures ou des libertés qu'on retrouverait, blablabla. Ben, la suggestion, faut que même quand tu n'as rien à suggérer, il faut que tu continues de temps en temps à maintenir Oui, l'étau. c'est ça. C'est comme quelqu'un qui est hypnotisé, ça prend des suggestions post-hypnotiques pour que l'hypnose reste en force. Ben oui. Dans le fond, c'est juste de. Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment. On est vraiment dans un mode. À un moment donné, il y a à peu près 5 ans, j'avais fait une vidéo où je montrais la Eastern Star, là, puis je parlais de la polarité, puis je disais, on est conditionné, puis dirige, on est comme des chiens, avec renforcement positif, négatif, récompense, punition, puis je disais, on ne peut pas vivre comme ça tout le temps, comme des chiens, se faire amener comme des chiens. Puis il va falloir sortir de ça. Mais quand j'ai fait ça, il y a quelques années, j'ai vraiment pensé que la population générale était rendue assez mature pour intégrer ces lois-là. Puis qu'il serait peut-être plus possible dans les années qui allaient venir, autant qu'avant, de gouverner les gens par cette polarité-là d'autorité paternaliste, de punition-récompense, punition-récompense. Eh bien non, on est en train d'entrer encore plus dedans. Ben oui, mais Puis. quand tu regardes Martineau qui dit, dans le fond, l'impôt pour les non-injectés, c'est pour les punir. Il dit, il a écrit dans un article, il dit, il n'y a pas de preuve scientifique que ça marche ou, tu sais, c'est pour réduire le nombre de cas, mais c'est pour les punir. Fait que c'est clair, là. Ben oui, ça fait juste démontrer à quel point on n'est pas dans le rationnel, on n'est pas dans de la science, on est dans de l'idéologie, de la doctrine, puis Dans le fond, c'est pire que le Moyen Âge comme système. C'est vraiment. Lui, Martineau, il fait partie. Je veux dire, lui, dans le fond, si on regarde ça comme ça au niveau des castes, lui, il fait partie de la caste des clercs. C'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte. On mérite mieux que ça. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Ben J'ai oui. pas envie de. C'est lui qui va venir rationaliser l'irrationnel. C'est lui qui l'a. Puis, premièrement, je comprends même pas comment il peut exister, lui. Je comprends même pas comment ça se fait qui fait son épicerie? Comment il fait pour fonctionner? Être à sa place, là. Moi, je pense qu'il peut pas marcher dans la rue, ce gars-là. C'est impossible. Il va se faire battre. Ne nous Ça se peut affolons pas. pas, là. Ah, ben là, je suis en train d'essayer de comprendre. Nous ne nous affolons pas. Au contraire, j'espère qu'il ne peut pas marcher dans la rue. J'espère qu'il ne peut pas faire son épicerie lui-même sans se faire insulter. Puis, c'est pas normal, là. C'est comme Patrick Lagacé, là. J'ai de la misère à croire. Ce gars-là, il peut marcher sur le trottoir et être en sécurité. J'ai de la misère à y croire. Ça se peut pas, là. Moi. En tout cas, je le sais que si un des deux, ils viennent ici en ville, puis qu'ils essayent de traverser à pied la ville bord en bord, il y a quelqu'un, c'est sûr, qui va les ramasser quelque part. Il y a quelqu'un qui va finir par les ramasser. Le nombre de personnes que je connais, là, qui les haïssent, là, mais qui les haïssent, là. Même des madames de 80 ans, ils les haïssent. Tu sais, c'est comme on nous dit, oh, il y a 10% des gens qui veulent pas suivre, puis tout, je suis sûr qu'on nous ment. Sur Ben le oui, ben c'est sûr, pourcentage, ça des se peut statistiques pas. peuvent être manipulées comme le nombre de cas qui sont hospitalisés là, ou non avec le virus, là, tu sais. Ben, ça se tient pas. Si je veux dire, si on fait juste une règle de trois, on voit que ça marche pas. Donc, là, moi, j'arrive pas à croire que. J'ai de la misère à croire que Richard Martineau, il peut se promener sur la rue à Montréal ou même dans son Ben, quartier, probablement là. qu'à son niveau, avec les salaires qu'il fait, il doit avoir des gardes du corps ou il fait venir la nourriture chez lui, tu sais. Y es-tu payé tant que ça? OK, il y a une maison à Outremont. Bon. Ben, les animateurs vedettes, Pas si riche que ça, comme Nathalie Martineau. Bon. Normando, son salaire avait sorti dans les médias. Elle était animatrice radio, puis c'est une affaire comme 160 000 par année, là. Ben, c'est pas tant que ça. Mais là, c'est sans compter, ici, admettons, la personne fait de la TV ou de la radio, sans compter les articles. En tout cas, il peut avoir plusieurs choses commutatives. Ben S'il fait de ouais, la mais. publicité aussi, là. Tu pensais à une vraie structure de sécurité, là. Ça coûte cher, là. C'est plusieurs, mais c'est plus de 2 000 $ par jour, là. Ben, moi, il faut qu'il y ait des employés de maison qui font leur épicerie. J'arrive pas à croire que ce monde-là font leur épicerie eux-mêmes. Ça se peut pas. J'ai bien de la misère à le croire. J'ose même pas imaginer, là, Mario Dumont essayer de traverser la ville ici à pied. Il y a quelqu'un qui va le ramasser quelque part. Ça se peut pas que ça arrive pas. Ils sont tellement haïs, là. J'ai jamais vu ça du monde haï de même. Ben, franchement, tellement que des fois, je lisais de leurs affaires, je les écoutais, puis j'avais peur pour eux autres. Je Ben me moi disais, aussi. ils sont irresponsables, là. Ils seront jamais en sécurité de nulle part. Même s'ils prennent leur retraite, là, puis qu'ils vont se cacher, même dans 10 ans, le monde va se rappeler d'eux autres. C'est ça, mais tu sais, si on fait de l'argent puis réussissent à aller à mettons Bahamas dans un paradis fiscal avec des comptes offshore, puis en tout cas, tu sais, s'il y a une magouille financière qui fait en sorte qu'ils ont plein d'argent ou c'est dans un endroit suisse, puis là, ils peuvent. Dans le fond, que ce soit pas imposable, ben, ouais. Il pourrait Ben vivre dans le fond, décemment. ça veut dire au niveau psycho-affectif, ils n'ont pas de vie, une vie réelle s'ils sont prêts à s'en aller de même. Ils sont prêts, eux autres, ils préfèrent mener la vie qu'ils mènent là, puis avoir comme retraite, être obligé de s'expatrier en exil. C'est honteux, là. Je ne devrais pas être à leur place. Quand j'ai de la misère c'est clair que c'est du monde qui n'ont pas les mêmes valeurs que la moyenne. Mais il reste juste Anne-Marie Dussault, là. Je pense pas qu'elle fasse son épicerie elle-même, elle-là. Ben non, mais tu sais, je veux dire, ils peuvent embaucher des bonnes pour s'occuper Ben, des c'est ça que je enfants, pense. faire l'épicerie, puis aller faire C'est. des commissions, là. Genre, là, tu vois une Mexicaine ou une Portoricaine qui est en train de faire l'épicerie, mais tu le sais pas, mais elle a Oui, fait l'épicerie de quelqu'un d'autre. Ils doivent exactement. et tous fournir différents fournisseurs, là. C'est clair. Parce que ce monde-là, ils vivent dans des bulles, parce que ça se peut pas. Ça se peut pas être déconnecté comme ça. C'est impossible. C'est comme, il y a quelqu'un que je connais qui avait rencontré André Moreau en train de faire son épicerie. Il était dans les patates. Il était dans le coin des patates. D'après moi, t'sais, ça peut pas arriver. Même Ferrandez, t'sais, Luc Ferrandez sur le plateau, lui, il faisait son épicerie, mais à un moment donné, il avait été pris en photo par quelqu'un. Mais Anne-Marie Dussault, je pense pas là, que ton personne la voyait faire son épicerie. Genre l'autre, même, voyons comment il s'appelle, lui, Dumont, puis Martineau, puis Patrick Lagacé. J'ai de la misère à croire qu'ils vivent. À mettons qu'ils perdent une partie de leur argent puis sont obligés de mener une vie plus normale, sans fête. C'est comme, même, admettons que Patrick Lagacé, il voudrait venir par ici, puis il veut se louer une chambre d'un hôtel, puis il veut manger dans un restaurant, puis il vit normalement, il n'y aura jamais la paix. Ah, ben les C'est... Québécois, on oublie vite, tu sais, il y a des gens corrompus dans le passé qui ont été réélus, puis ils n'étaient pas supposés être réélus, puis non, non, il y a eu, après un certain temps, les gens vont oublier, ou tu sais. Ben dans mon coin, peut-être que les gens sont plus belliqueux un peu. OK. Parce que juste, il est venu, François Legault, j'étais là quand il est venu, il a averti personne. Il est apparu à la dernière minute, que moi je l'ai su à la dernière minute à cause des connexions, puis qu'il allait venir dans la ville où je vis. Ils ont averti personne, ils ont fait aucune publicité, rien, là. Puis les gens, le public qui était là à l'intérieur du bâtiment pour applaudir ses petits discours puis l'écouter, c'est pas du monde d'ici. C'est du monde qui ont fait venir par autobus. Parce que la veille, moi, j'ai fait le tour des hôtels. J'étais allé voir dans les parkings, puis son public, je l'ai vu débarquer d'un autobus. Dans un hôtel qui est quand même pas loin d'ici. Puis c'était son, c'est ça, c'était du monde qui arrivait d'en dehors pour être son public. Puis j'ai vu les gros trucks avec les vitres teintées de l'équipe qui faisait la sécurité, puis possiblement et tout des affaires comme il y a de la dans ce temps-là, des fois il y a des coopérations entre la SQ puis la GRC, plus des firmes privées. C'est des grosses vanettes, puis des gros 4x4 là, avec des vitres teintées. Puis, ils ont jamais averti personne, ils ont fait ça vraiment en catimini. Puis ça, c'est drette pendant la période qui disait que Legault, il parcourait le Québec à la rencontre des Québécois. Il n'avait pas envie de rencontrer personne d'ici. Il voulait Parce que... rencontrer sa gang qui a transporté, qui était déjà préformatée par rapport à lui. Ben oui, puis là... T'avais le monde de la région qui est allé là pour le voir parce qu'à un moment donné, quand on sait l'information, tu sais, on s'arrange pour que ça se sache. Il était tellement enragé, le monde. Je me souviens d'un là, qui gueulait, là, il disait les policiers, hey, on n'avait même pas le droit d'approcher de la pelouse du bâtiment. Puis s'il était encerclé, la bâtisse était... Mais c'est de voir de la façon qu'ils ont fait ça. Il sait, hein, le gars, qu'il sera pas bien accueilli. Puis, quand il était hué sur la Côte-Nord, là, il serait hué n'importe où, ce gars-là. On nous fait des accraires. La gang, là, le jeu marketing, puis toute la connerie de Québécois, puis le jour... C'est tout le style bullshit. Ce gars-là, là, même la Dussault, quand elle parlait à Dieu, elle m'a dit « Ouais, mais c'est le plus populaire au Canada, c'est le plus populaire de tous les temps. » C'est tout de le style bullshit. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi haï. Je connais personne dans mon entourage qui aime ce gars-là. Je parle, Non, là... c'est ça, mais il véhicule tout le temps la perception dans les sondages. Bon, en tout cas, récemment, supposément, il a baissé, mais depuis les derniers mois, il est haut dans les sondages, la cote d'amour du Québec. Sûr que c'est de la bullshit, c'est pour nous faire croire ça. Ben Ça oui, marche ben par c'est ça. imprégnation puis par conditionnement. Ben oui. Donc, si on savait les vrais chiffres du monde qui l'appuie puis de ceux qui ne l'appuient pas, on serait surpris. Je suis sûr, je te gage que 75% du monde qui voudrait le débarquer. Mais comme on ne le sait pas, on perd la confiance de nos. On perd le courage de nos convictions, si on peut dire. Parce que. Le comité d'accueil qu'il y a eu cette journée-là, lui, on ne l'a jamais vu parce qu'ils sont arrangés pour qu'on ne le voie pas rentrer. Dans la bâtisse, j'ai fait le tour plusieurs fois. Il y avait un périmètre, puis c'était bien fait. Fallait que tu marches de loin là, pour finir à bout de faire le tour. En plus, ils ont fait ça dans une bâtisse, dans le coin des écoles, où les rues sont barrées. C'était vraiment une opération là, comme de dictateur. Comme en Amérique centrale ou des affaires de même. Ils voulaient pas que le monde s'approche. C'est incroyable, là. Lui, il vient à la rencontre des Québécois. On n'a même pas le droit de traverser la rue. Il y avait des cordons de sécurité. C'était plein des gros gorilles en habit, Ben, là. c'est ça, ça fait partie de l'hypocrisie. Puis après ça, on va le voir dans un clip de bulletin de nouvelles à quel monde qui applaudissent puis sont heureux pour nous donner l'impression que les gens de la place l'accueillent à bras ouverts. Ben là, les gens qui avaient dans le bâtiment, qui étaient son public, là-dedans, il y a du monde, c'est de la clique locale, c'est-à-dire du monde que c'est des pourris depuis des générations, puis c'est eux autres ici qui sont les gens comment je pourrais dire ça, les gens bien placés, là, les notables du coin. Il y en avait une coupe, j'en ai reconnu une coupe et tout, puis d'autres qui sont dans le domaine culturel, c'est-à-dire du monde qui vive du gouvernement, dans le fond, dans le sens de des subventions. Puis parce que c'est une affaire où ce qui est un coin de culture, c'est une affaire de son espace bleu, du niaiserie. D'ailleurs, c'est un édifice patrimonial, ils sont mieux de pas trop le transformer, parce que moi, je serais pas de bonne humeur, là, c'est bon, en tout cas. Puis le monde que j'ai vu, il y avait le monde qui avait débarqué de l'autobus, parce qu'il y en a une couple que j'avais enregistré le tête en les voyant descendre. Puis quand après, j'ai revu par des vidéos, quand il donnait sa conférence de presse, j'ai reconnu. Là, j'ai dit, ah, c'était ça, les autobus. Puis, mais il y avait personne du vrai peuple, là, qu'on pourrait appeler le vrai peuple, à part des gens intéressés, des gens qui font partie des familles que depuis des générations, ils interceptent l'énergie, si on peut dire. Des familles de notables depuis des générations. Puis, mais c'est tout le temps les mêmes genres de rapaces. C'est pour ça que l'autre, là, Anne Casabonne, oui, le monde l'aime, mais elle vient du milieu culturel. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine hypocrisie. L'affaire, c'est qu'elle doit être au courant de bien des affaires par rapport à son milieu, c'est-à-dire le milieu culturel. Est-ce qu'elle va avoir l'honnêteté de sortir certaines choses par rapport à la façon réellement comment ça marche? Ça, je ne le sais pas. C'est à ça, moi, que je vais me faire une idée sur elle. Ouais, ben moi, ce que j'ai l'impression par rapport à Éric Duhaime, parce que là, c'est sa candidate vedette, c'est qu'il surfe sur la vague, l'insatisfaction des Québécois par rapport à la gestion de la crise, du mesure du gouvernement actuel. Puis là, comme Casabonne avait porté un commentaire critique l'automne dernier, ben puis lui, dans le fond, il va utiliser ça pour mousser sa candidature, là. C'est à se demander à quel point ça n'a pas été stagé, ça. Dans le sens qu'elle, exprès, a fait un commentaire critique, là, elle se fait descendre des médias parce que finalement, elle a été choisie pour être la candidate à Duhaime plus tard. C'est possible, ça arrive des affaires de même. Pour ça, puis moi, les artistes, j'ai pas confiance à ça. Je suis pas capable. Tout ce qui est issu du monde culturel, là, j'ai tellement de mauvaises opinions. C'est là, des fois, je me dis. Je suis quelqu'un qui est vraiment. Ben moi, tu sais, je veux dire, j'ai des parents qui étaient les deux liés à la justice, puis donc, tu sais, tout ce qui est des affaires, des fois que, bon, on n'est pas supposé savoir ça, mais de la merde, il y en a en masse. Puis de la criminalité qu'on n'est pas au courant, puis qui mène le monde, il y en a en masse. Puis, ce monde-là, du monde culturel, j'ai bien de la misère. J'ai pas confiance. J'ai vraiment pas confiance Ben, en pour fait, moi. on a passé en revue depuis le début de l'entretien différents milieux. On touche au milieu artistique, mais on a parlé du milieu scientifique, du milieu aussi politique amplement. Puis en fait, moi, la façon que je vois ça, ben, la corruption est généralisée dans tous les milieux. C'est ça le point. Ben oui. Ben quand tu regardes sous Pinochet, par exemple, au Chili, c'était tout le monde, là, qui était corrompu puis qui marchait de peur. C'est tout le temps de même, c'est ça, un régime. Je veux dire, tout le monde veut sa part. Tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin de. Fait que c'est pas tout le monde qui va avoir des principes qui vont au-delà de cette espèce de programmation animale de survie-là. Donc, on peut faire confiance à personne. Exactement. Fait que Anne Casabonne, elle, si elle se met comme là, a été attaqué dans le journal de Montréal par des chroniqueurs qui disaient, ben là, elle est rendue d'un parti qui haït la culture. Puis, techniquement, là, je sais pas, là, ça se tient pas, dans le fond, là. Si elle, là, on va voir par rapport à sa façon d'agir. Moi, c'est surtout ça, mais j'ai pas confiance, puis vraiment pas. Puis, même Lucie Laurier, ça a été la conjointe de Pierre-Carl Péladeau, puis juste pour ça, j'ai pas confiance. C'est ben là, j'arrive pas à faire confiance. Oui, C'est exactement. C'est quoi le lien entre Lucie Laurier et Julie Snyder? Ben, ils ont eu le même chat. Là, il y a un peu. Tu sais, moi, j'accroche là-dessus des détails de même. J'aime pas ça. J'aime pas ça, j'ai pas confiance, parce que j'ai l'impression d'en faire à de la magouille, puis de la magouille tout le temps, puis des casses, puis du monde que c'est des experts en communication. Oui, puis ils vont tirer de la grogne populaire pour mettre en place quelqu'un, un pion de leur gang pour mettre une opposition contrôlée, là. Ben oui, parce qu'ils s'en foutent. Tu sais, quand on dit. Garder près de soi ses amis, pas encore plus près ses ennemis, ben c'est encore mieux si ceux que la masse pense être tes ennemis, au fond, derrière les rideaux, c'est tes amis. C'est encore mieux. Tes vrais ennemis, c'est la masse. C'est ça, dans le fond. Puis là, en plus, on s'en va, je suis pas mal sûr, vers une guerre. Puis ça fait longtemps que j'attends ça. Je pensais que ça aurait rapport avec l'Iran, mais on ne sait jamais. Peut-être que ça va partir par l'Iran. Ça a l'air que. Mais tu sais, tu regardes ça comme l'hypocrisie. Mélanie Joly est rendue en Ukraine pour vendre de l'armement. On veut pas entrer l'Ukraine dans l'OTAN, mais on va y vendre plein d'armes. Puis au niveau d'un conflit qui se prépare, on va drainer l'énergie de ce peuple-là. On va profiter de la situation. Puis, Poutine, dans le fond, y a-tu vraiment encore un axe est-ouest? C'est-tu vraiment. Ben non, ils sont tous chums. J'ai l'impression que c'est tous des mafieux qui des fois, ils jouent du coude entre eux, mais ils sont tous chums, là, ils se partagent le territoire. Puis. Ouais, ben à un moment donné, tu avais déjà dit, puis j'ai trouvé ça intéressant, c'est que derrière la Chine, derrière la Russie, ben c'était dans le fond tout le régime anglo-saxon puis l'Angleterre qui ont infiltré ça, là. Ben oui, mais qu'on m'explique comment ça se fait que la Chine puis la Russie y empruntent au FMI. Que, je veux dire, si c'est vraiment un axe, un bloc d'un système économique qui fait front puis qui est à part, comment ça se fait que eux autres et tout, ils jouent avec les dettes internationales des autres puis que c'est toutes les. Je comprends pas, là. Tu avais une bonne question. Sais, ça marche pas, là. Si vraiment c'était, il s'opposait à la marche du monde telle que l'Occident colonial a fini par la faire, il y aurait un système parallèle en dehors. Au contraire, c'est quand un de ces dictateurs-là décide réellement d'être indépendant de ce système mafieux international-là, que là, il se fait destituer puis détruire. Si Poutine n'était pas l'ami des autres mafieux, il serait déjà mort. Kadhafi, il voulait lui créer une monnaie basée sur l'or. Il voulait un dinar or parce qu'il était écœuré de vendre son pétrole puis transiger le pétrole en dollars américains. Puis c'est là qu'ils l'ont tué. Puis encore aujourd'hui. Je pense, je sais plus trop c'est qui disait, ah oh, ben là, c'est toi, tu sais, par exemple, si vous faites au niveau de l'éthique du commerce international, on commence à considérer que vous manquez d'éthique en tant qu'entreprise si vous faites affaire avec Kadhafi, par exemple. Ben oui, mais la Libye, c'était pas un pays pire que d'autres pays qui sont nos alliés, supposément. Ouais. Je veux dire, c'était une des places les plus, qui avait le plus d'allure en Afrique. C'est un des pays qu'à choisir, à être obligé d'aller séjourner en Afrique, puis il faut choisir ce pays. C'est une des places. Il y a quelque temps que j'aurais peut-être été parce que justement, le niveau n'était pas si pire, puis c'était développé. Puis, donc, Kadhafi, oui, il était spécial, mais il était pas pire que d'autres, là. Puis là, Exactement, puis peut-être que là, depuis qu'il est plus au pouvoir, peut-être que le niveau de vie s'est dégradé davantage. ben, il paraît que c'est tout détruit. C'était le pays le plus développé d'Afrique, puis là, puis ils ont de la misère à se reprendre, puis tout, puis Mais là, lui, dans le fond, tout ce qu'il a voulu, justement, c'est être indépendant de cette espèce de mafia financière internationale. Puis là, tout d'un coup, pouf, ils l'ont. Ça n'a pas été long, là. Tandis qu'avant, il l'endurait, puis il riait du monde, il allait planter sa tente sur les pelouses en avant de la Maison-Blanche. Puis non, c'est la journée qu'il a décidé de dire, je vais créer un système financier à part qui va être indépendant de tout ça. Puis les gens que les petits pays que le FMI, par exemple, ils veulent pas y prêter, puis tout, moi, je vais essayer de les aider. Puis là, tout d'un coup, tu avais Bernard-Henri Lévy sur toutes les tribunes en France, fallait libérer les Libyens. Les Libyens, il y a eu bien plus de Libyens morts à cause de l'action des États-Unis puis de la France que de. Voyons donc, ils rient du monde, ils prennent le monde pour des imbéciles. Puis justement, moi, on ne me fera pas à croire que Xi Jinping puis que Poutine, c'est des ennemis du Canada puis du reste des mafieux. C'est comme C'est des des gangs de rue. oppositions d'apparence, là. C'est un petit peu comme la Russie puis les États-Unis lors de la guerre froide. Ben oui, puis là, en 2000, ben oui, moi tout, je vois ça de même, parce que les deux, chaque bord, ils ont prétexté l'existence de l'autre pour se servir de ça pour se voter des budgets, puis en tout cas, l'autre devenait un prétexte parfait. Finalement, c'est cette gang de mafieux internationaux-là. En 2023, là, supposément que les extraterrestres débarquent. Puis eux autres, c'est les vassaux de cette race de frères de l'espace tellement avancée qui s'en vient, les employés qui nous préparent pour la venue de ces êtres très avancés-là, c'est des hosties de vidange, c'est des crises de pourri de mafieux dégueulasses. Mais attention, Je la pogne pas, là. Moi, j'ai Bernard peine de à me dire. Montréal parlait que l'homme nouveau allait collaborer avec des gens d'autres espaces, puis Oui. il allait avoir la restauration de la Terre. Puis Marc Dellasalle, que j'avais interviewé, il disait que bon, les êtres humains allaient bénéficier de technologies extraterrestres pour dépolluer éventuellement la Terre, mais ce serait des êtres qui auraient un rapport égalitaire avec l'individu qui est fusionné, qui est dans son identité. Oui. Mais est-ce que c'est de ces êtres-là qu'on parle quand on parle de ceux qui supposément débarquent en 2023, 2023? c'est là C'est que j'ai ça un la doute, ouais. question. Parce que il y a le vaste monde, mais il y a le vaste univers et tout. Exact. Puis possiblement qu'il y a tout, juste notre planète, c'est très très vaste parce qu'elle est multidimensionnelle dans le sens que. Elle occupe plusieurs espaces en même temps dont on n'a pas idée, possiblement. Fait que, par rapport à ce qui débarque, moi, je suis pas prêt à prêter allégeance à n'importe quoi. C'est pas parce que tu sais, c'est pas on est des putains puis on va vendre notre cul au premier venu, dans le sens que c'est pas parce que ce qui va débarquer en premier, c'est ça qui débarque en premier ou c'est ça qui va se montrer en premier, que ça c'est vraiment. Quelque chose de bénéfique ou d'extraordinaire, peut-être même au contraire, puis on va déchanter assez vite. Dans le sens que, qu'est-ce qui va arriver vraiment, je le sais pas. C'est-tu une grosse manipulation, c'est-tu, ou peut-être qu'il arrivera rien non plus, j'en ai aucune idée. Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est qu'on est manipulé tout le temps. Ça, je suis sûr 100%. Puis, j'ai pas confiance. Ça aussi, je suis pas capable de faire confiance à. Fait que là, Glenn, ben franchement, il y a des aspects de lui, c'est un peu comme Ruth Norman. Tu sais, Ruth Norman, l'Académie Unarius, elle avait quelque chose de kitsch, puis de ridicule un peu. Puis c'est l'Astral, il va être porté à engendrer chez les gens qui sont très, très astralisés, il va avoir quelque chose lié à de l'étrangeté, puis des fois un petit peu du. Tu sais, il y a quelque chose de théâtral cheap, souvent qui ressort. Puis Glenn, il me fait penser à une version masculine un petit peu de Ruth Norman, dans le sens que il y a un petit côté kitsch, lui, tout. Tu sais, avec ses bibelots de licorne, puis son globe terrestre qui tourne, puis tu sais, il manque quasiment des. Ah, ben, ce personnage excentrique, quand il était jeune, avec sa longue moustache, etc. Mais Ouais. si on s'attarde non pas au messager, mais au Moi, je te message. parle de la vibration. OK. de ça. Moi, je trouve que y a Ruth Norman, puis lui, ça ressemble. Puis eux autres, ils ont fait ils ont préparé jusqu'à un certain point le public pendant des décennies pour l'avènement d'extraterrestres. Mais il y a tout le temps cette espèce d'aspect-là qui était cheap, sans vouloir être. Mais tu sais, je parle de la vibration de ça. Le côté marché aux puces un peu. Moi, j'ai de la misère avec ça. Ça m'inspire pas confiance. Puis, j'ai de la misère à croire que des êtres supérieurs et d'une intelligence extraordinaire vont avoir comme. Vont préparer leur venue avec ce genre d'affaires-là. Il y a plusieurs affaires. Moi, je trouve ça marche pas. Comment je pourrais dire ça? Admettons, moi, que j'ai une compagnie puis que je veux un porte-parole, je ne vais pas prendre Richard Glenn. C'est sûr que non. Puis je me dis, des êtres supérieurs, puis aussi au niveau d'une formation de gens qui devaient nous éduquer puis nous préparer à la venue de ça. Mais pourtant, je t'interromps ici. À un moment donné, Richard Glenn disait qu'il avait rencontré Bernard, puis c'est comme le temps serait arrêté, puis il y aurait eu Ben des oui, puis aides là, qui il y auraient dit qu'il avait faut qu'ils collaborent un gars qui est ensemble, arrivé avec un plateau, puis il y avait des cristaux dessus, là. là. Ouais. Là, il y a une madame, là, elle était figée dans le temps avec Ben, son c'est plateau. ça. Gars, Mais là, Richard, si la date qu'il a dit le... ça, Bernard, il était mort. Ouais, il y a ça Fait aussi. que là. Mais pourquoi qu'un gars comme Bernard de Montréal aurait collaboré avec Richard si les êtres d'intelligence supérieure, extraterrestres, extradimensionnels, éthériques, auraient, dans le fond, c'est ça, ce serait... C'est comme s'il y avait une programmation au niveau du mandat de Bernard de rencontrer un certain public. Puis la porte pour ça au Québec, c'était Richard Glenn, parce que lui, comme il faisait de la TV communautaire, puis tout, c'était lui que le public qui avait l'esprit le plus ouvert, il était accessible. Donc, tu C'était es un en peu train de la me dire porte que pour lui, c'est un c'était bon Richard Glenn. porte-parole à ce moment-là. C'est un quoi? À ce moment-là, tu es en train de dire implicitement que c'est un bon porte-parole. Non, ce que je te dis, c'est que lui, il avait dans sa gang une clientèle qui était correcte pour Bernard. C'est un peu comme moi, mettons là, que je veux faire de l'aide humanitaire, je vais aller aider du monde qui en a besoin. Je ne vais pas aller aider du monde qui n'a pas besoin de moi. Puis Richard Glenn, il a été un temps avec Richard Glenn, puis c'est comme il a amené son message à le monde qui était dans la gang à Glenn, puis le rendre accessible. Puis après ça, il est parti de son bord. Il a arrêté de collaborer avec Glenn. C'est comme moi, mettons, là, que je veux faire du bénévolat puis aider des gens qui ont besoin de moi. Ben, ça se peut que j'aille dans des milieux que moi, je fréquenterais pas. Ben, à ce moment-là, ça se peut que des êtres évolués aient choisi de collaborer avec quelqu'un. Ben là, c'est pas pareil parce qu'eux autres, c'est à l'humanité, là. Je veux dire, systématiquement, là, tu vas prendre de. Tu sais, même là, tu regardes ce qu'on appelle le phénomène, là, humo, tu sais, les humites, là. Oui. Bon, déjà là, ça a plus d'allure un peu parce que eux autres sont allés voir des scientifiques. Puis du monde qui avait une vibration quand même différente, là. Tandis que les affaires de vibration de Rosy Crucien, puis tu sais, ça, c'est pas pareil. Moi, en tout cas, là, j'ai bien de la misère avec ça. Surtout du monde qui ont été dans les affaires de franc-maçonnerie, puis de ci, puis de ça. J'ai bien de la misère, je décroche tout de suite. Parce que, Chris, je suis allergique. Je suis pas capable. Il y a de quoi qui fait que je suis pas capable. Puis il y a ce côté. Si tu regardes, là, par exemple, l'affaire Humo, j'embarque pas là-dedans, là, les humides puis tout, mais Jean-Pierre Petit, c'est déjà une vibration moins pire. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas. Qu'est-ce que je veux dire, là? Je veux dire, l'affaire de se rajouter de l'écho, là, on dirait d'être comme dans une caverne, là, comme si on était en train de se faire initier d'un temple égyptien où ce qu'on élève des crocodiles, puis ça, cet aspect-là, moi, ça, je suis pas capable. Puis j'ai de la misère à croire que des êtres réellement avancés au sens où moi je l'entends, vont aller voir quelqu'un qui a une vibration de même, puis que même à leur contact, ils ben, vont en tout cas, développer Bernard de amplifier cette Montréal y a été. Vibration-là, j'y crois pas. En tout cas, Bernard y a été vers lui, puis c'est un fait, là, quand même, Bernard, il y avait ouais, une vibration. Mais il n'y avait pas cette vibration-là, Bernard. Puis Chris, il était tout le temps choqué après. À un moment donné, la grosse crise, tu me feras pas vibrer avec tes conneries, hein. C'est-tu que je le comprends? Mais il allait pareil, puis il a été pendant 70 ans faire des entrevues, fait que soit qu'il est pas vite vite ou C'est pas qu'il est pas vite vite, mais c'était ajusté. Hey, moi, admettons là, que je veux faire des bonnes œuvres et aider les pauvres, je ne vais pas aller dans un quartier riche. Je vais aller où les pauvres sont. C'est un peu de même, moi, je le Je vois. comprends ce que tu veux dire, mais moi, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y avait un mandat de faire quelque chose avec lui, parce que sans ça, il ne l'aurait pas fait. Ben, je dis pas le contraire. Il n'y a pas de contradiction dans ce que je te dis là. Quand tu vas aider du monde, ben, faut être dans leur milieu. Quand tu as un mandat de sortir du monde d'un milieu, même, je dirais, parce que c'est sûr qu'il y en a qui ont fini. Quand Bernard il a arrêté sa collaboration avec Glenn, il y en a que Glenn, ça a fini là. Ils sont partis de chez Glenn. C'est sûr. Il n'y avait pas besoin de Glenn. Quelqu'un qui a commencé à intégrer un petit peu ce que Bernard disait, il n'y a plus besoin d'aller dans l'ésotérisme. Bernard, il n'y avait rien d'ésotérique. Tant qu'à moi, là, c'est de l'ésotérique à outrance, de l'exotérique. Dans le sens que c'est de la clarté. On n'est plus de s'initier à des mystères, là. C'est de détruire les mystères puis de se réaccaparer l'énergie qu'il y avait dedans. Mais là, Glenn, c'est pas ça, là. Mais il reste que au Québec, le monde y avait été dans le piège si on peut dire, de la religion catholique traditionnelle québécoise, là. Puis après, ce qui les a sortis de ça, c'est la mode qui commençait un peu, entre autres, de certaines spiritualités orientales, puis Nouvel Âge, puis c'était un autre piège. Puis le mandat de Bernard, c'est sûr qu'il est allé vers ce monde-là. S'il était Bernard, il avait commencé son mandat dans les années 20, c'est sûr que peut-être qu'il aurait commencé à collaborer avec un catholique défroqué ou je sais pas, là. Ou À dans le mes yeux, domaine c'est du parfaitement spiritisme logique. en Europe. Ben oui, mais tu sais, il reste qu'à un moment donné, c'est incompatible, là. Tu sais, dans le sens qu'il y a des... Bernard, il est allé bien plus loin que l'ésotérisme. Même, il n'a jamais été dans l'ésotérisme. Il a fait son possible pour sortir le monde de l'ésotérisme, puis de toutes ces Ben, c'est parce que affaires-là. ça dépend comment qu'on définit l'ésotérisme, dans le sens que si l'ésotérisme, on en parle comme quelque chose réservé aux initiés, bon, ben Bernard s'adressait aux gens qui étaient initiés au contact avec l'esprit, Bon, s'adressait moi, ce pas à que la je veux masse. dire, en sens d'ésotérisme, c'est le côté élitisme formel de la connaissance. Puis de tous les pièges qu'il y a autour. OK. Le Nouvel Âge, entre autres. Parce que Bernard s'adressait à tout le monde. Tandis que Glenn, lui, il était vraiment. En tout cas, Non, mais je il comprends ce que essaie. tu Il voulait veux. initier les gens à ces mystères anciens qui nous ont été communiqués, entre autres, par les Et la initiés. Et tradition primordiale. c'est ça. Puis moi, là, ces affaires-là, là, tu sais, ça fait des millénaires, là, Chris, là. Ça a apporté quoi? On est encore assujettis aux mêmes forces. Puis on les voit pas. Ça donne quoi? Pourquoi garder ça comme un secret? Puis dire, ah ben là, t'as atteint tel stade, là, tu peux savoir comment le monde fonctionne, puis moins te faire avoir, là, puis le comprendre comment t'es. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. À un moment donné, il faut que ça prenne fin. Puis c'est pas en perpétuant des vieilles affaires de tu sais, c'est un peu comme juste. Il y a une ville où j'ai habité, il y avait des Rosicruciens qui donnaient des conférences, puis c'était beaucoup dans de la symbolique égyptienne. Je sais, je suis pas allé à la conférence, mais j'ai jasé avec une des personnes qui était allée donner la conférence, elle a donné de même. Puis je disais, oui, mais les principes que vous parlez, c'est ça, c'est ça, c'est. Puis je disais, oui, mais on prend la forme du symbolisme égyptien pour en parler. Je dis, oui, mais comme je viens de le dire là, moi, clairement, c'est ça pareil. Il disait, oui, ben oui, mais pourquoi vous n'en parlez pas de même, clairement? Pourquoi prendre de style des affaires de symboles d'affaires que c'est des inventions, dans le fond, que ça a été recréé dans les années 20-30 quand l'égyptologie était revenue à la mode. Pourquoi tout le temps envelopper des affaires comme des chocolats dans des papiers de couleur métallique, puis là, de les mettre sur un étal, puis conter une histoire autour, tandis que c'est le même crisse de chocolat pareil. Je veux dire, c'est la même affaire. Il y aurait moyen d'être clair, d'enlever toute cette espèce de maudite ambiance fascinante. C'est des ambiances faites pour fasciner le monde. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'ils cherchent à créer une fascination qui amène une rétention de la clientèle. Ben oui, puis c'est ça, moi, que je t'annais. Je suis tanné, je suis plus capable de tout ça. Je veux dire, il va falloir que ça arrête à un moment donné. C'est quoi? Je trouve ça malhonnête, je trouve pas ça correct. C'est de la manipulation, puis c'est de la domination par justement par des vibrations, des vieilles vibrations. C'est d'engendrer de la fascination. Dès qu'il y a de la fascination d'engendrer, tu es dans une forme d'hypnose, puis tu es en train de magnétiser le monde. Puis c'est pas le magnétisme de la clarté, là. C'est le côté bourbeux de l'appesantissement de ce qu'on pourrait appeler de l'air épais, c'est-à-dire il y a une ambiance forte Ben qui se oui, crée. l'enlisement dans la symbologie, entre autres. Ben oui, puis ça, moi, je suis plus capable. Ça m'enrage, ça me met en colère. Parce que là, ceux autres sont là, ben là, on va changer d'air, et puis gna gna gna. Mais oui, mais Chris, pourquoi est-ce que vous nous ramenez des affaires hosties de Saint-Bernard, de Clairvaux, puis de toutes des hosties d'affaires que, dans le fond, ça se tient même pas debout? Voyons, c'est-tu ici que ça parle? C'est-tu chez Ah, vous ou chez nous? non, moi, ça parle pas de mon côté. OK. Bon, mais il doit y avoir quelqu'un ici, là, un fatiguant, là. Non, il y a quelqu'un ici. De toute façon, je voulais te proposer de compléter Ouais. l'enregistrement En parce tout que ça cas, je fait. pense que tu comprends ce que je veux Oui, oui, dire, oui, là. oui, oui. Mais tu sais, c'est parce que quand que le monde, ça fait genre, ils sont dans un milieu, puis eux autres, ils ont la prétention d'éduquer les masses, puis tout, mais que c'est les mêmes affaires à remâcher que les siècles d'avant, puis que finalement, il y a encore une forme d'élitisme, dans le fond, qu'on pourrait simplifier la forme, parce que les principes qu'il y a intégrés derrière ça, souvent, c'est des choses quand même assez simples. Mais non, on est encore dans tout ça, c'est les mêmes lois psychosociales animaliennes de tribales qui font que l'être humain est un singe hostie. Puis ça, j'en ai plein le cul de ça. Puis je dois pas être tout seul. Puis moi, c'est pas vrai que ça va m'impressionner, moi, du monde qui joue à ils se mettent des capes, là, puis ils sacrent chevaliers entre eux autres avec des épées, puis toutes sortes de styles de symboliques niaiseuses. On est là, on s'en va, là, justement, on s'en va, là, vers. On est en 2022, on n'est plus, là, en 1910, puis on n'est plus au Moyen-Âge non plus, puis on n'est pas en Renaissance non plus, puis on n'est pas dans l'Antiquité non plus. Puis là, l'affaire, là, c'est que là, on était fascinés là, par toutes sortes de petites forces, puis toutes sortes de patentes, puis là, on est tout le temps mis en condition par des gangs qui vont se mettre dans le chemin pour intercéder. Puis ça, dans le fond, c'est tout, on voit que ça, c'est l'écho de toutes les vieilles lois. D'anciennement, les vieilles lois par rapport à des choses de l'imposition de structures pour justement faire en sorte qu'on n'est jamais maître de notre énergie, on n'est jamais maître de notre conscience. Puis de la conscience, c'est de l'intelligence qui se voit elle-même. Puis on n'intégrera jamais par nous autres-mêmes, puis on n'aura jamais la volonté de donner par nous-mêmes, de nous-mêmes, à partir de nous-mêmes, la direction à l'énergie, tant qu'on va donner de l'autorité à des affaires comme Richard Glenn. Moi, Bernard de Montréal, l'affaire qui fait que j'ai eu de l'intérêt, c'est qu'il réussit à débloquer des affaires chez moi, puis que par son témoignage, j'ai vu qu'il avait vu des affaires que j'avais vues, puis je me suis mis à me rendre compte que j'étais pas fou. Bien, c'est pas parce qu'il y avait de l'autorité ou que c'était un personnage qui Non, se donnait non, de mais je l'importance ou comprends. qui Ça était t'a permis autoritaire. de confirmer certains constats vibratoires ou un savoir que tu portais déjà en toi auquel il a fait écho. Mais le point, c'est que le fait qu'il ait passé à Richard Glenn, ça a servi parce que probablement qu'on ne parlerait pas aujourd'hui de Il fallait Bernard. qu'il passe par quelque Ben, part. c'est ça. Il fallait qu'il se fasse connaître au niveau public. Puis je pense que Oui. Richard a fait un très bon travail pour Ben oui, il est bien correct puis tout, mais il reste que moi, ces hosties d'histoire de soucoupisme, je ne suis pas capable. Tout ce qui se rapproche de ce qu'on a connu comme route normande, comme toutes ces sectes-là autour du phénomène OVNI, qui est une forme de récupération du phénomène, comme si on le spiritualise, puis là, les extraterrestres deviennent des espèces d'anges technologiques. Je suis pas capable, je suis allergique à ça. C'est encore de la soumission à des formes, puis on se fait encore impressionner par toutes sortes d'affaires. Non, exactement. Il va falloir qu'on conclue. Et puis, l'enregistrement d'aujourd'hui, ben, c'est sûr que tu as porté un regard très critique là, par rapport à l'ésotérisme, la société, nos politiciens, les gens dans le domaine scientifique, les artistes. Ben ouais, je suis peut-être un peu. Non, non, mais c'est correct de porter un regard critique parce que nos journalistes le font pas. Normalement, les journalistes, leur travail, ça serait de porter un regard critique par rapport à nos dirigeants pour la société. Puis là, ce qu'on voit depuis le début de la crise, c'est de la complaisance. Ben, tu Encore. sais, là, souvent le monde va dire, je suis un chiolo, je donne pas de solution. Ouais, mais il faudrait commencer par plus se faire avoir. Puis ça passe par le développement d'un sens critique. C'est le début. Oui. Donc, le sens critique qui empêche de ne pas croire, de ne pas être naïf, de ne pas être aveuglé par les mirages de solutions politiques en disant « Ah, ben, on va mettre telle partie au pouvoir, puis là, tu vas voir, ça va être vrai, là, on va faire une vraie réforme en santé, alors que ça fait 20 ans que les autres prédécesseurs n'ont jamais réussi. Ouais, bon, en tout cas, je vais te laisser là parce que je pense que je vais aller mettre de la visite dehors. » Non, non, mais fais comme tu veux avec ta visite. Fait que, écoute, on C'est ça que je va... vais faire. Excellent. Écoute, on va conclure. Je vais rappeler aux gens que toi, là, tu as une chaîne YouTube où qu'on peut retrouver de nombreuses vidéos. Et vous avez d'ailleurs plusieurs entrevues que j'ai faites avec toi, là, naturellement, là, sur ma chaîne YouTube là, au fil des années. Et sinon, pour ceux qui ont apprécié l'enregistrement d'aujourd'hui, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés, que sont Interac ou PayPal. Et pourquoi j'invite les gens à m'encourager? Ben, c'est pour avoir l'opportunité d'entendre des gens comme toi, si vous appréciez ça, de me soutenir à travers mes entrevues. Parce que un discours comme le tien que tu as tenu aujourd'hui, dans un entretien qui dure presque 3 heures, on voit pas ça dans les médias de masse, là. J'ai jamais vu quelqu'un à Mario Dumont, à Denis Lévesque ici au Québec ou même dans les médias européens tenir un discours pareil que toi, là. Donc, tu es unique. Bon, ben, j'ai pas le choix. C'est bien correct. Fait que, écoute, je te remercie encore une fois. On garde contact, Merci. puis à bientôt. OK, bye.